Il est un lieu où dans Paris on mange une tarte tatin. Délicieuse avec un demi, c'est au Pont Neuf, sachez-le bien. Au bar des sciences, chacun nourrit sa panse. Dans ce café, il y a des chercheurs qui viennent manger et picoler et discuter pendant des heures d'un truc qui les a passionnés. Et chacun nourrit sa pensée. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc ça a donné un petit refrain qui est assez simple, qui est au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Enfin, sauf que ce refrain, si on retarde très légèrement la dernière syllabe et qu'on le dit deux fois, ça donne au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée. Ah oui, joli, joli, joli. Bravo. Et au mardi de l'espace aussi, chacun nourrit sa pensée. Et exactement. Chacun nourrit sa pensée. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est bientôt Noël et je ne sais pas si parmi vous certains ont prévu de recevoir ou d'offrir un smartphone. Non ? Parce que si c'est le cas, je vous conseille de demander vite au Père Noël qui vous offre les derniers modèles des grandes marques. Parce que là, avec ces derniers modèles des grandes marques, vous serez sûr d'avoir des récepteurs Galileo en plus des récepteurs GPS. Voilà, c'est Galileo, effectivement, c'est parti. Galileo, ça existe, ça fonctionne, même si on n'en est pas encore complètement tous conscients. Et même si tous les satellites Galileo ne sont pas encore à poste, peu importe, ça y est, ça marche, ça fonctionne. Alors, ça va offrir notamment une meilleure précision que son concurrent direct, le GPS. Ça va proposer aussi, Galileo va proposer de nouveaux services. On va voir ça, évidemment. Galileo, c'est déjà une réussite technique, ça y est, ça fonctionne. C'est aussi, et peut-être d'abord, un instrument de souveraineté. C'est quand même un énorme problème de penser que 7 à 8% du PIB européen dépend directement des systèmes de géolocalisation. Et qu'est-ce qui se passe le jour où le ministère de la Défense américain décide de arrêter les signaux au-dessus de l'Europe, par exemple? Eh bien, c'est l'Europe qui en pâtira, évidemment. Donc, il n'en était pas question. Il fallait que l'Europe réagisse. Donc, c'est une réussite technique, c'est un instrument de souveraineté. Et c'est aussi une histoire très mouvementée sur le plan diplomatique, notamment avec, bien sûr, des alliances, un grand mouvement européen en faveur de ce système technique, mais aussi avec des chausse-trappes et aussi avec quelques coups de poignard dans le dos. Vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce que le système Galileo va apporter en termes de service? Quels ont été les nombreux écueils qu'il a fallu dépasser, surmonter pour parvenir à ce succès? Est-ce qu'on n'aurait pas pu parvenir à ce même système avec des délais réduits et des montants également réduits? On va se poser toutes ces questions avec vous. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir poser des questions directement à nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est David Combi et Raymond Rosso. David Combi, Raymond Rosso, est-ce que vous voulez bien prendre un micro et me dire qui vous êtes? David Combi. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis le coordonnateur interministériel délégué pour les programmes européens de navigation par satellite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'adjoint du coordonnateur interministériel qui est Jean-Yves Le Gall. Je pense que beaucoup de monde connaît ici. C'est le président du CNES. Hein. C'est le président et du CNES. Et le CNES, c'est l'Agence française de l'espace. C'est elle qui organise le mardi de l'espace. Exactement. Et je suis donc aussi rattaché au ministère en charge des transports, puisque mon ministère, qui est en charge aussi bien de l'aviation civile que du transport routier, transport ferroviaire, s'intéresse bien évidemment à la navigation par satellite. Et mon prédécesseur, donc à ce poste, Raymond Rosso, que je vais laisser se présenter. Raymond Rosso, alors. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis enchanté d'être ici présent avec vous. Voilà, il y a 5 ans, c'était moi qui étais à la place de David Combi, c'était moi le coordonnateur interministériel. Alors, qu'est-ce que c'est un coordonnateur interministériel? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi votre job? Ou c'était quoi, en l'occurrence, pour vous? Le coordonnateur interministériel, lui, son job, c'est... Il est en fait nommé par le Premier ministre, hein, et il rencontre au Premier ministre directement. Donc il rencontre, et donc il a une tâche de coordination des différents départements ministériels. D'accord, parce que donc coordonnateur interministériel, donc ça veut dire que vous coordonnez différents ministères, hein, autour de cette thématique Galileo, parce qu'il y a différents ministères qui sont évidemment intéressés par ce système spatial. Quel ministère en l'occurrence ? Oui, alors bon, en vrac, dans le désordre, mais il y a d'abord le ministère de la Recherche, puisque le CNES est rattaché au ministère de la Recherche, bien sûr, qui était intéressé directement. Il y a ensuite le ministère des Affaires étrangères, les Affaires européennes, bien sûr, le secrétariat général à la coordination interministérielle qui participait à nos réunions. Il y avait aussi le ministère de la Défense, et pas tout seul, donc il y avait l'état-major des armées ainsi que la direction générale de l'armement. Et il y avait le secrétaire général à la Défense nationale. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Ça fait beaucoup de monde et du beau monde. David Combi, terminez votre bouchée et j'avais l'impression que vous avez envie de dire quelque chose. Oui, c'est du beau monde, sachant que, comme vous l'évoquiez, en fait, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques derrière Galileo. Chaque ministère a ses propres intérêts sur le sujet. Galileo est un sujet public. Il est développé sur fonds publics, donc avec l'argent du contribuable, hein, depuis 2008. Et donc, bien évidemment, chaque État membre de l'Union européenne a son mot à dire sur la façon d'utiliser l'argent, sachant qu'il y a une enveloppe qui est la même pour tous. Est-ce que, je ne sais pas, le ministère de la Défense va demander, ça pourrait être au détriment d'un autre ministère qui demanderait aussi autre chose. Donc dans une coordination interministérielle, bah, il faut qu'on se mette d'accord pour trouver les bons points d'équilibre. Et puis, de temps en temps, bien faire des arbitrages au niveau du Premier ministre pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la façon de dépenser l'argent et surtout qu'on se mette d'accord sur des positions françaises qu'on défendra à Bruxelles. D'accord. Donc se mettre tous d'accord, tous les représentants de ces ministères, pour défendre une position française commune, évidemment, à tous les ministères à Bruxelles. On comprend effectivement, c'est effectivement très important. Alors si à Noël, là, dans quelques jours, le Père Noël m'apporte un smartphone, il est d'une bonne marque, c'est le dernier modèle, je vais pouvoir capter les signaux Galileo avec ? Oui. Alors effectivement, les derniers smartphones qui arrivent sur le marché, je pense au Samsung Galaxy S8 ou encore l'iPhone 8, pardon, sont compatibles Galileo. Ça veut dire que lorsque vous utilisez la fonction de géolocalisation avec ces smartphones, vous allez voir votre position grandement améliorée. D'ailleurs, il y a une étude dans un magazine qui est sorti il y a une semaine ou deux, je crois que c'est Que Choisir, à vérifier, qui illustre les gains en matière de précision grâce à Galileo dans les smartphones. Alors, sachant que les smartphones, les puces qu'on utilise dedans sont des puces, entre guillemets, bas de gamme, parce qu'il y a des récepteurs de plus haut niveau avec lesquels on peut avoir des précisions beaucoup plus intéressantes que ce qu'on obtient avec un smartphone. Mais déjà avec le smartphone, l'iPhone 8 ou la dernière génération de Samsung, vous avez très clairement une amélioration de la géolocalisation. Alors de combien ? C'est la précision, elle est de combien avec, grâce à Galileo ? Alors là où aujourd'hui vous êtes à 1,50 m, 2 m avec GPS, parfois plus, avec Galileo, vous êtes autour du mètre. Autour du mètre, 1,50 m. Sachant qu'aujourd'hui, vous n'avez que 22 satellites Galileo en orbite. Il y en a eu 4 qui ont été lancés la semaine dernière. Alors, les 4 qui ont été lancés la semaine dernière ne sont pas encore opérationnels. Il faut 6 mois avant que ça devienne opérationnel. Il faut 6 mois. Ouais. Il faut les laisser venir. Par contre, là, il y a toute la recette en vol. Hein. Il faut les tester. Il y a des horloges atomiques à bord. C'est de la haute précision. Absolument. Ouais. En revanche, il y en a 14 qui fonctionnent à plein régime et puis d'autres qui fonctionnent sur des modes parfois un petit peu dégradés, mais pour lesquels on a des résultats qui peuvent être intéressants. Donc en 2020, lorsqu'on aura une constellation complète, ce sera 26 satellites là. Donc en 2020, nous aurons 26 satellites. Les 4 prochains satellites seront lancés au mois de juillet prochain. Et la génération de satellites qui sera lancée après ces 4 derniers satellites qui porteront la constellation A26, donc après les prochains lancements seront en 2021 pour compléter la constellation. Et puis aussi régénérer la constellation, parce qu'un satellite en orbite a une durée de vie théorique de 12 ans. Les premiers satellites Galileo opérationnels ont été lancés en 2011. Et on voit bien que si on veut préserver la continuité opérationnelle, 2011 plus 12, ça fait 2023. Donc vers 2021, il faut qu'on commence à régénérer la constellation. Donc, meilleure précision, quoi d'autre alors? Avec mon smartphone, qu'est-ce que j'ai en plus? D'autres choses? Après, sur un smartphone, ça dépendra aussi de ce que les développeurs d'applications décideront. Qu'est-ce qu'apporte Galileo, précisément? Donc, la précision, de la disponibilité, davantage de disponibilité? Oui, alors là, c'est très facile à comprendre. Avec une constellation Galileo, en plus de GPS, vous avez donc 30 satellites en plus. Mais dans un smartphone, votre smartphone peut très bien mettre en œuvre une stratégie qui consiste à considérer que tous les satellites que vous avez au-dessus de votre tête font partie d'une seule et même constellation. Auquel cas, vous avez non pas 30 satellites GPS d'un côté et une trentaine de satellites Galileo de l'autre, mais c'est comme si vous aviez une constellation de 60 satellites. Or, la précision dans la géolocalisation, elle dépend de la qualité des mesures de distance entre chacun des satellites. Ça, on va revenir, ouais, comment voilà, ça marche. Ouais. Et les usagers. Mais elle dépend aussi du nombre de mesures que vous faites. Plus vous avez de mesures, au plus vous êtes précis. Alors, une constellation, donc il y a effectivement Galileo, il y a GPS, on le connaît bien. Il y a aussi le russe GLONASS et aussi le chinois Beidou. Est-ce que les smartphones de tous les jours exploitent aussi les signaux des satellites GLONASS et Beidou, russes et chinois? Ah là, ça dépend des stratégies. Typiquement, si j'achète un récepteur GPS de bonne qualité dans un magasin d'électronique... Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la différence entre Galileo et Beidou, et Galileo et GLONASS, c'est que Galileo a été conçu pour être totalement interopérable avec GPS. Et ça, c'est une conception qui se fait au niveau même de la définition du signal. Interopérable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon smartphone ne fait pas la différence entre du GPS et du Galileo? Ça veut dire que pour un développeur de récepteur, le calcul de mesures Galileo et GPS peuvent se faire avec beaucoup d'éléments en commun. Et je vais prendre un exemple. Avec GLONASS, le système russe, vous avez une fréquence par satellite. Oui. Alors qu'avec Galileo et GPS, vous n'avez qu'une fréquence pour l'ensemble de la constellation. Alors, une fréquence principale. Vous pouvez avoir aussi une fréquence secondaire qui peut être utilisée, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui permet d'améliorer encore le positionnement. Mais rien que ça, ça permet aux industriels qui développent des récepteurs de faciliter, de rendre plus simple l'architecture des récepteurs et donc d'être plutôt favorable à une utilisation combinée GPS Galileo que GPS GLONASS. Il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est qu'en matière de précision, il y a plusieurs niveaux de service Galileo. Là, on parle du service ouvert. On va parler des tous. Différents services, oui, après. Oui. On en parlera après. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a les services ouverts, hein, effectivement, c'est les services qu'on utilise tous. Hein, voilà. Et puis, il y aura plein d'autres petits services, au moins, j'en ai compté 3, vous me direz si c'est exact ou pas. Peut-être qu'on peut s'arrêter une seconde sur le petit livret qui a été déposé sur vos tables. Et on peut regarder déjà la première image. Je ne sais pas s'il y a un commentaire particulier. Voilà, c'est une vue d'artiste, évidemment. Elle n'est pas à l'échelle, hein, évidemment, les satellites n'ont pas cette taille-là par rapport à la Terre, évidemment. Mais est-ce que vous avez un commentaire là, sur ce qu'on voit là? Ah, peut-être Raymond Rousseau, vous voulez pas commenter un petit peu, là, Raymond Rousseau? Oui, là, ce qu'on voit clairement là, sur cette première image, c'est qu'il y a 3 cercles. Hein. On les voit, les 3 cercles en bleu. Alors, les trois cercles en bleu, c'est ce que dans le jargon, on appelle les plans d'orbite. Donc les satellites, en fait, les 30 satellites sont divisés en 3 fois 10. Hein. 30 satellites donc, en 2021. Oui, oui, mais d'accord. À terme, oui, donc, à terme, il y aura 30 satellites. Pour l'instant, il n'y en a que 22. D'accord. D'accord. Et en fait, il en suffit de 24, ce que David n'a pas précisé tout à l'heure. Comme pour le GPS, il en suffit de 24 pour fonctionner. Hein. Donc les 30, ça veut dire qu'on aura des réserves. Hein. On en aura en plus. C'est le cas de GPS hein, aujourd'hui. Hein. Pour 24, il en a aussi une trentaine en orbite. Bon. Mais la différence avec GPS, c'est qu'au lieu d'avoir les satellites regroupés dans trois plans différents, le GPS, il les a dans six plans différents. Ah oui. Alors, ce qui rend les phases de lancement beaucoup plus compliquées. Parce que nous pour on peut les lancer 4 par 4. Vous avez vu Ariane, il lance 4 d'un coup. 4 d'un coup, dans le même plan, ce n'est pas un problème. D'accord. Tandis que GPS, il ne peut pas les lancer 4 par 4, même 2 par 2. GPS, il les lance un par un. Ah oui. Et alors, ça coûte très très cher. Les lancements de GPS reviennent extrêmement cher, alors que les lancements Ariane... Galiléo, pour ça, on a optimisé le coût du lancement. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette option C'est historique. Coûteuse. C'est historique. Au départ, ils devaient faire trois plans, parce que GLONASS a trois plans d'orbite aussi, comme Galiléo. Beidou a trois plans d'orbite aussi. Et GPS, historiquement, avait trois plans d'orbite. Et puis, à un moment donné, il y a eu des restrictions budgétaires. On leur a dit, ah non, 24, il n'y a pas le budget pour faire 24 satellites. Donc, on vous donnera le budget pour en faire 18. Et donc, pour faire 18, ils ont optimisé la durée des trous. Parce que là, ils allaient avoir des trous, ils allaient avoir des périodes, des moments où ils n'auraient pas suffisamment de satellites pour calculer la position. Le satellite en vue, oui. Il faut au moins 3-4 satellites en vue pour pouvoir calculer une position. Oui, quand vous êtes en bateau, 3, ça suffit. Ou en voiture, 3, ça suffit. Parce que le ciel est grand. Voilà. Mais en avion, il en faut 4 au minimum. Hein. Bon, alors, pour avoir l'altitude en plus, c'est ça? Non, l'altitude, non, c'est une inconnue de plus, si vous voulez, oui, vous avez raison là-dessus. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a une inconnue supplémentaire. Et alors, ce qui se passe, c'est que pour réduire ces trous, ils ont été obligés de passer à 6. Donc, mais ils le regrettent, ils s'en mordent les doigts. D'ailleurs, tous les documents américains disent qu'il faut revenir à 3, que ce serait beaucoup plus facile, et ça coûterait beaucoup moins cher, et ce serait plus facile à maintenir la constellation. En plus, la grosse différence entre le Galiléo et le GPS, c'est l'altitude de l'orbite. Alors, l'altitude de l'orbite de Galiléo, vous l'avez quelque part, elle est écrite 23 000, je crois que c'est dans une planche à la fin, vu à la fin, où il y a 23 222 km. Bon, alors, c'est une altitude sur, au-dessus de la Terre, mais la Terre équatoriale, on dira, à l'équateur. Et alors, l'altitude des GPS est différente. Elle est plus basse, elle est autour de 20 000. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont choisi l'altitude, ça c'est la méthode américaine, de façon à ce que toutes les 12 heures, les satellites repassent exactement au même endroit. Donc ils reviennent toutes les 12 heures, les satellites. Donc ils ont une période, en fait, de 12 heures. Donc ils reviennent toutes les 12 heures, alors que ce n'est pas le cas avec Galiléo. Alors l'avantage, effectivement, c'est que pour les trous, on savait exactement quand est-ce qu'on risquait d'avoir les trous. Donc ça permettait, effectivement, de prédire les trous. Donc surtout pour les militaires, pour savoir quand il fallait prévoir, quand ils pourraient utiliser le GPS et puis quand ils ne pourraient pas l'utiliser. Par contre... Le système Galiléo, l'intérêt d'avoir une orbite plus haute, c'est que les orbites basses, si vous voulez, les satellites, comme ils repassent toujours au même endroit et avec ce cycle de 12 heures, il y a un problème, il y a un cyclage qui se fait avec le champ de gravité de la Terre. Donc il y a les perturbations dues au champ de gravité. Le champ de gravité terrestre, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, c'est pas la loi de Newton toute simple. Hein. C'est une loi de Newton beaucoup plus compliquée, avec beaucoup plus d'éléments derrière. Et quand on parle du champ de gravité, l'idée c'est que... L'attraction de la Terre. Évidemment, si je passe au-dessus d'une montagne, moi satellite, oui. Au-dessus d'une mer, je ne suis pas attiré de la même manière. Je suis peut-être davantage attiré là où il y a plus de densité, plus Absolument. De matière. Exactement. Un peu plus attiré quand je passe au-dessus d'une montagne. Tout à fait. Donc finalement, mon orbite va évoluer, va changer en fonction de cette gravitation. Mais là, ce qui se passe, c'est que toutes les 12 heures vont repasser au même endroit. Ouais. Et donc, les effets se cumulent. Il y a un effet cumulatif qui fait que les satellites GPS, il faut régulièrement les ramener sur leur bonne orbite. Parce qu'ils se décalent progressivement. Se décale, ouais. Alors qu'on n'a pas ce problème sur Galiléo. Galiléo, les orbites sont extrêmement stables. Et ce qui a permis de réduire... Parce qu'on est un peu plus haut, et donc on est moins dépendant du champ de gravité, c'est et ça ? Et on est surtout complètement désynchronisé. Oui, on se fiche d'être au même endroit à toutes les 12 heures. Et donc ce qui se passe, c'est que donc, les satellites Galiléo ont besoin de beaucoup moins de carburant à bord pour corriger l'orbite. Et ça, c'est un avantage considérable par rapport au GPS. Parce que le carburant, ça coûte extrêmement cher hein, dans l'espace. Hein. Bah, surtout, ça coûte de la masse au lancement. Ça coûte de la masse au lancement, donc ça coûte cher au lancement. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord. Ok. Parfait. Est-ce qu'on peut tourner la page ? Parce que j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu, qu'on aille page 2 et qu'on regarde à quoi ressemble un satellite Galileo. Alors voilà, c'est cette image que je vous demande de regarder. Donc page 2, c'est le satellite Galileo, tout simplement. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ? Il y a des espèces de... Je ne sais pas si vous êtes... qu'est-ce que c'est que ces petits cubes dorés ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Et en dessous des cubes dorés, qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est ouais. Je ne sais pas comment dire, c'est tube. Alors, c'est forme tubulaire. Sur cette image, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. J'ai envie de dire que la chose la plus importante, on ne la voit pas. À tout à l'heure. C'est dommage, mais je vais quand même vous la dire. C'est l'horloge, enfin je devrais même dire. Ah oui, elle est à l'intérieur. Les quatre horloges qu'il y a à l'intérieur de ce satellite. Un satellite Galileo sans horloge, ça ne sert absolument à rien. ce qu'on appelle la charge utile d'un satellite, là pour Galileo, ce sont les horloges. Hein. Alors, ce qu'on voit sur l'image, on voit une plateforme assez classique d'un satellite hein, finalement. Hein. Vous avez la plateforme, vous avez les panneaux solaires. Et puis, vous avez donc un grand cercle central, ce qu'on appelle un patch d'antenne. Et puis, en dessous, vous avez une sorte de... c'est un hexagone, là, avec des pointes. Bon, et ce qui est intéressant avec ces deux éléments, c'est que ces deux éléments sont relatifs à deux charges utiles distinctes du satellite. Je précise. Lorsqu'on parle de Galileo, on parle de position, de géolocalisation. La géolocalisation, donc, c'est des signaux radioélectriques. Alors, on va peut-être expliquer juste après. Oui. Mais, donc ça veut dire qu'on a des horloges. On va expliquer pourquoi on a besoin d'horloges atomiques à bord, hein, juste après. Alors, mais, ouais. Non, ce que je peux dire, la grosse antenne centrale, voilà, c'est avec elle. C'est elle qui envoie les signaux pour qu'on calcule notre position. Alors, ce que vous appelez l'horloge... L'antenne centrale. Oui, ce que vous appelez l'antenne centrale, c'est cette espèce de cercle avec... Avec les carrés jaunes. Avec les carrés jaunes, c'est ça. C'est l'antenne qui va émettre les signaux qui vont permettre de calculer donc... La position. La position avec nos smartphones. Un smartphone, très bien. Et en dessous, l'antenne qui est en dessous, c'est l'antenne qui sert aux balises de détresse à repérer les navigateurs en détresse. Ah, d'accord. Et les avions qui se sont crashés. Ok. Voilà. Donc c'est une autre charge utile alors. Et donc c'est une autre charge utile. Ça n'a rien à voir avec la géolocalisation. Non, en fait il y a deux systèmes. Il y a deux systèmes à bord, ouais, c'est ça. Il y a deux systèmes. Il y a le système de géolocalisation. Qui est le système principal. Qui est le système principal qui est relié à trois services qu'on décrira tout à l'heure. Ouais, ouais. Et il y a une deuxième mission qui est la mission de recherche et de sauvetage qui correspond au quatrième service de Galileo, ce qu'on appelle le SAR, Search and Rescue. D'accord. Ok. Alors, on a donc des horloges à bord. Peut-être qu'on peut expliquer un peu comment ça marche. Quel est le principe d'un système de géolocalisation ? Parce que ce n'est pas intuitif. Bon, d'abord, il y a une première chose à comprendre. C'est que le satellite ne sait pas où moi je me trouve avec mon smartphone. Ça, déjà, il faut le savoir. Il faut que tout le monde soit au clair là-dessus. Tout le monde ne le sait pas. Hein. Le satellite ne sait pas où je me trouve. C'est moi, c'est mon smartphone qui calcule sa position. C'est-à-dire que grâce à des signaux lorsque qui sont vous entendez avec GPS, avec Galileo, on va être repéré. Non, ce n'est pas les satellites Galileo ou GPS qui vous repèrent. Ce sont ces satellites-là, en revanche, qui vont vous aider, vous, à vous repérer. Une fois que votre smartphone a calculé votre position grâce aux signaux des satellites... Bah, la position, elle est dans votre smartphone et elle peut être utilisée par le réseau GSM. Et c'est là où on peut être opéré, mais ce n'est pas à cause des satellites. Ce n'est pas le satellite qui vous repère, c'est vous qui vous repérez. Alors, absolument pas. Comment ça marche ? C'est quoi le principe ? Je pense que la première des choses à bien comprendre, c'est que... un système de navigation par satellite, que ce soit GPS, Galileo, GLONASS ou Beidou, du reste... c'est à la base ni plus ni moins qu'une horloge mondiale synchronisée. C'est-à-dire, c'est un système qui donne une référence de temps. Voilà. Et ce sont probablement les horloges les plus chères du monde. Voilà. Mais pourquoi il faut une référence de temps ? Parce que le principe même du positionnement, c'est calculer le temps de transit d'une onde qui part du satellite, de cette antenne-là, vers votre récepteur. Une onde elle se propage à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, et grâce à une merveille de technologie, il faut quand même le dire, moi, lorsque j'ai étudié théoriquement comment fonctionne un récepteur GPS ou Galileo, j'ai été émerveillé. Il faut voir un peu le génie théorique qu'il y a derrière ça. Votre récepteur est capable de se synchroniser avec un signal arrivant de l'espace. Et qui plus est, un signal qui est complètement noyé dans le bruit. Si vous prenez une antenne quelconque sans récepteur, votre signal est sous le bruit. Impossible de détecter avec une antenne, une petite antenne, un signal GPS ou Galileo. Bon. Mais grâce à une technologie très, très fine, vous êtes capable d'intégrer ces signaux dans votre récepteur et faire sortir ce signal du bruit. C'est une forme de magie technologique. Est-ce qu'on peut dire que chaque satellite donc, possède des horloges atomiques à bord ? Chaque satellite dit exactement au même moment, parce que ces horloges sont synchronisées, il est telle heure. Par exemple, il est minuit 000. Donc tous les satellites disent ça au même moment, envoient ce signal de temps. Et puis mon téléphone, lui, va recevoir tous ces signaux. Oui. Mais je ne vais pas les recevoir tous en même temps. Parce qu'il y a des satellites qui sont plus loin, des satellites qui sont plus près. J'aimerais que ce soit comme ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Ça revient à ça, mais en fait, il y a... La première des choses, c'est comprendre en fait quelles sont les données du problème. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche notre position. Notre position, c'est quoi ? C'est notre latitude, notre longitude et notre altitude. Hein ? Mais il y a une autre inconnue qu'il faut lever, c'est que autant toutes les horloges des satellites sont synchronisées, autant dans votre récepteur, vous avez une horloge aussi qui n'est pas synchronisée avec le système. Pas synchronisée, parce que la précision de synchronisation, on est autour du milliardième de seconde. Imaginez, une erreur de une milliseconde dans les signaux et dans le calcul de temps dans votre récepteur. Une milliseconde fois la vitesse de la lumière, ça fait 300 km. 300 km d'erreur. Donc ça veut dire que pour avoir une bonne position, il faut être capable de lever l'inconnu de temps au milliardième de seconde. Et ça veut dire que, bien évidemment, les horloges qui sont dans les satellites sont précises au milliardième de seconde. Moi, je voudrais qu'on arrive à la notion de triangulation, Raymond Rosseau. On peut, avec vous, tous les satellites me disent « il est à l'heure ». Je ne reçois pas, dites-moi si je me trompe, je ne reçois pas tous ces signaux au même moment, puisqu'il y a certains satellites qui sont plus loin que d'autres. Et c'est ça qui va me permettre, finalement, de calculer ma position. Oui, mais je crois que vous aviez... Enfin, pour moi, ce que vous avez dit tout à l'heure me convenait très bien. C'est exact. Les satellites, effectivement, ils émettent des signaux d'horloge, des signaux de temps, qui sont, effectivement, qui ont des tops. Il y a des formats qui sont découpés. Il y a des débuts de chaque ligne qui servent de top horaire. Donc, il y a bien des tops qui sont... Ce sont des émissions, comme l'a dit David très bien, c'est que c'est permanent, quoi. C'est pas des tops qui arrivent les uns après les autres. Bien sûr, ce ne sont pas bien des sûr, impulsions. Bien sûr. On aurait pu le faire. Moi, j'avais travaillé, il y a longtemps, sur un autre projet où on envisageait d'envoyer des tops. Là. Et alors, l'idée, c'est, est-ce que ce n'est pas que je suis capable, grâce à ça, grâce à ce signal, de calculer ma distance au satellite qui lui-même sait parfaitement où il se trouve. C'est pas comme ça que ça marche ? Non, mais ce qu'a expliqué, oui. David, en fait, le problème, il est un petit peu plus complexe dans la mesure où vous avez, si vous voulez, trois inconnus qui sont de la position, la latitude, la longitude et l'altitude, et vous avez une quatrième inconnue qui est l'erreur de votre horloge là. Vous avez une horloge de mauvaise qualité dans votre téléphone, ou même le récepteur GPS qu'il y a dans une voiture, il a une horloge, c'est pas une horloge atomique. Et donc ces quatre inconnues, il vous faut forcément quatre équations à quatre inconnues. Donc si vous avez quatre mesures de distance avec des quatre satellites, vous pouvez résoudre les équations et résoudre les quatre inconnues. C'est ça le principe. La triangulation mathématiquement, c'est très simple à comprendre. Il y a quatre inconnues, il vous faut quatre équations, donc quatre mesures. Si vous faites quatre mesures... Donc il faut quatre satellites. Pour un avion, oui, pour un avion. Pour un bateau qui est sur l'eau, lui, c'est facile. Parce qu'il sait, il connaît son altitude. Le bateau qui est sur la mer, lui, l'altitude, c'est zéro. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement enlever un satellite. Et le principe de la triangulation, c'est un principe relativement classique. C'est-à-dire que vous tracez des cercles, enfin là, ce sont des sphères autour de chaque satellite. Vous tracez une sphère et les sphères se coupent. Et quand vous regardez comment se coupent les sphères, vous verrez que vous trouvez trois sphères, ça vous fait trois. Ça vous fait un point, ça vous détermine un point. Bon, alors comme il y a l'inconnu temporel, si on avait... Les Américains, au départ, quand ils ont commencé à travailler sur GPS, ils avaient pour les bateaux, notamment, et ils avaient les bateaux militaires, ils avaient prévu de mettre des horloges atomiques à bord des bateaux. Ils avaient prévu de mettre une horloge atomique. Donc ayant une horloge atomique à bord... Là, effectivement, il n'y avait même plus besoin de trois satellites, et même deux leur auraient suffi. Deux satellites leur suffisaient, puisqu'ils avaient une horloge atomique dans le bateau, et ils avaient deux. Bon, dans ce cas-là, ils faisaient vraiment... Ils savaient exactement à quel moment ils recevaient les tops, et donc ils savaient exactement le temps qu'avait mis le signal pour arriver. Ça leur donnait immédiatement la distance aux satellites, et ils pouvaient déduire très rapidement la position. Voilà, bon. Un signal de temps me permet de déterminer ma distance aux satellites, et c'est grâce à ça, absolument, grâce à quatre satellites, grâce à quatre signaux, voilà, que je suis capable de déterminer ma position. Voilà, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir ? Mon téléphone intelligent. En Amérique, on dit smartphone. Moi je l'adore, c'est comme mon enfant. Je suis incapable de lui dire go home. Mais mon problème, je suis pas très smart et régulièrement je l'égare. Alors messieurs, avant que je parte, dites-moi si quand le soir tard, quand j'ai trop bu et que je l'ai perdu, Galiléo me le retrouvera ? Ah, mais on me dit que c'est foutu, qu'il faut que j'arrête la vodka. Eh, ça marche pas dans ce sens-là. Hein. Ça marche pas dans ce sens-là. Bon, voilà, on a fait une espèce de petite introduction un peu technique, mais comme ça, au moins, tout le monde est à peu près au même niveau sur la manière dont ça fonctionne, le nombre de satellites, un petit peu de calendrier à venir, mais encore plein de questions qu'on n'a pas du tout évoquées. Et puis, voilà, on a plein de temps maintenant, une heure et demie, pour discuter avec vous, discuter avec nos deux intervenants. Et voilà, je vous passe le micro, il suffit de lever la main et je viens jusqu'à vous. Bonsoir, merci. C'est toujours technique, c'est savoir, vous dites qu'on est meilleur que les Américains, qu'on double la précision parfois, est-ce que c'est juste parce qu'on a des meilleures horloges ou est-ce qu'il y a plus que ça ? Bah, c'est un ensemble en fait. si vous utilisiez aujourd'hui un smartphone qui a été construit il y a 10 ou 15 ans, c'est clair que vous n'auriez probablement pas les performances qu'on obtient aujourd'hui avec un iPhone 6, 7 ou 8. Ça, c'est très clair. Donc, entre la conception de GPS qui date des années 70 et Galileo qui a été conçu dans les années 2000, forcément, heureusement, au plan techno, on a pu avancer. Je pourrais simplement préciser les choses. Il y a deux points. D'abord, il y a la précision des horloges. Il y a la technologie des horloges embarquées qui est différente. Galileo, ce n'est pas les mêmes horloges que GPS. En particulier, notre grande valeur ajoutée par rapport à GPS, ce sont les horloges Maser hydrogène qui sont... Maser, M-A-S-E-R. Maser hydrogène. Oui, Maser, ça s'écrit M-A-S-E-R. Oui, tout à fait. et qui ont la particularité d'être plus précises que les horloges atomiques classiques qui étaient utilisées jusqu'à présent donc par GPS et même par GLONASS. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, un petit cocorico, c'est que la structure des signaux de Galiléo est particulière. Elle a été inventée par un ingénieur du CNES, qui s'appelle Laurent Lestarki, qui a inventé une modulation très particulière du signal et qui rend ce signal notamment beaucoup plus insensible aux perturbations, ce qu'on appelle les multitrajets. Voyez, et en particulier, je ne sais pas si vous avez eu la désagréable aventure que moi j'ai connue à Paris lorsque j'avais un TomTom il y a quelques années. Je me souviens, j'étais dans le 18e arrondissement, du côté du boulevard de Rochechouart. Et là, d'un seul coup, mon TomTom me dit de tourner à gauche pour prendre un sens interdit. Ah oui, zut. Voilà. Alors, bon, heureusement, mes compétences de conducteur m'ont quand même invité à ne pas suivre mon TomTom. Mais en fait, j'ai compris ce qui s'était passé. C'est qu'à cause des multitrajets, mon TomTom était complètement perdu. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu l'exploiter pendant plusieurs minutes. C'est quoi le multitrajet ? Alors le multitrajet, vous voyez, tout à l'heure, on expliquait comment calculer une position. Il faut calculer le temps de parcours d'une onde vers le satellite, vers vous. Si par malheur, et c'est des choses qui arrivent assez fréquemment, votre signal est réfléchi sur un mur ou sur un bâtiment et arrive ensuite sur votre récepteur, vous comprenez bien que le signal que vous recevez n'est pas le signal direct. Donc il est entaché d'une erreur. Et donc c'est un problème au niveau du récepteur. Et la structure des signaux Galiléo n'est pas, je dirais, totalement insensible à ce phénomène, mais est beaucoup moins sensible que les signaux GPS. Raymond Rosso. Oui, je vais juste prendre la défense des Américains, là, puisqu'il a fait le méchant. Je vais faire le gentil. Alors, les Américains ont une nouvelle génération de satellites GPS qui s'appelle la génération 3, hein, les GPS 3, en cours de construction. Donc normalement, le premier lancement est imminent, peut-être en 2018, je ne sais pas si la date a été fixée, mais enfin bon, ils ne vont pas tarder à les lancer. Alors c'est vrai que ces nouveaux satellites GPS, eux, auront des nouveaux signaux qui ressemblent beaucoup à ceux de Galiléo. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu un travail d'harmonisation avec les Américains très important, hein, qui fait que les signaux qu'on a sur Galiléo dès aujourd'hui, là, hein, tout de suite, et les signaux qu'on aura quand toutes les satellites de troisième génération GPS auront été lancés, seront vraiment très semblables. Et là, on aura une très grande compatibilité, on réalisera ce que David disait tout à l'heure, on pourra vraiment traiter indifféremment, mesurer les distances indifféremment sur des GPS ou des Galiléo. Hein, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand vous êtes dans une petite rue, comme la petite rue qui est en bas, là, quand vous êtes une petite rue, vous voyez bien que les satellites GPS dans ces petites rues, si vous en voyez deux, vous avez de la chance. Hein. Mais vous n'en voyez pas trois, hein. Ça m'étonnerait que vous en voyez trois. Par contre, avec les Galiléo, vous en verrez deux plus deux, donc vous aurez quatre satellites. Et là, vous aurez une très bonne position, là. Hein. Alors qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Déjà, le fait d'avoir des signaux qui sont tout à fait, ce que David appelle interopérable, fait qu'on pourra utiliser à la fois l'un et l'autre. Et ça, ça nous intéresse dès le départ, ça avait été dit au départ, mais ça intéresse beaucoup aussi les Américains, parce que les Américains aussi ont le problème. Hein. Donc, ça les intéresse de pouvoir bénéficier de ce plus, hein, parce que, voilà. Donc, il faut quand même dire, bon, le problème, c'est que pour lancer les satellites, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Américains, ils les lancent un par un. Alors, comme ils les lancent un par un, pour lancer 30, pour avoir, disons, au moins 24 satellites GPS 3 lancés, ils en lancent à peu près deux par an. Vous voyez, il faut 12 ans. Ah oui, d'accord. Donc, s'ils commencent en 2018, on aura la constellation GPS 3 peut-être en orbite en 2030. Ah oui, d'accord. Alors que Galiléo, il est là aujourd'hui. Quoi. Et nous, il est là. Oui, nous, on est là, d'accord. D'accord. D'autres interventions, peut-être ? Bien, bonjour. Moi, je travaille à l'IGN. Donc, l'IGN contribue à Galiléo au titre de la géodésie. Donc, on fournit le repère géodésique du système Galiléo. Alors, ma question ne porte pas sur ça, puisque je sais très bien de quoi je parle. Par contre, on a vu apparaître depuis assez peu de temps une évolution dans la conception du système, parce qu'initialement, il y avait 5 services. Et on a vu, depuis environ un an, Il n'y en avait plus que 4, c'est-à-dire le service de sûreté de la vie avait disparu des services fournis. Et parmi les 30 satellites, il y avait aussi initialement 27 satellites actifs et 3 de secours. Et on a vu apparaître depuis peu de temps qu'il y aurait en fait 24 satellites actifs et 6 de secours. Et je voudrais savoir quand et pourquoi ces décisions avaient été prises. Voilà. Ah, peut-être la deuxième question dans un premier temps, et puis on parlera des services après. Oui, je crois que la deuxième question, c'est du pragmatisme en fait. La stratégie de la Commission européenne a évolué, la stratégie de déploiement a évolué en fonction des difficultés qui ont été rencontrées. Il faut quand même le reconnaître. Comme on le disait en introduction, Galileo n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Je rappelle que au début des années 2000, on imaginait que Galileo soit opérationnel en 2008. Voyez, bon, il sera finalement en 6 ans. C'était en 2002, on avait prévu 2008. On conçoit, on fabrique, on déploie, voilà, on envoie, voilà. Tout ça en 6 ans. Et c'est nombre, il aura fallu 15 ans. Hein. Et ces nombres sous couvert de Raymond, de 27 satellites, datent de cette époque-là. Hein. Je me souviens, en 2002, on parlait de 27 satellites. Hein. Bon, juste un petit rappel quand même. On a eu un petit déboire en 2014. Il y a eu un problème au lancement. On a eu 2 satellites qui n'ont pas été mis à 23 000 km de la Terre sur des orbites circulaires. Mais ils sont un peu moins hauts et en plus sur des orbites vraiment elliptiques. Donc allongés, ovales. Donc vraiment ovales, quoi. Avec un point bas, je crois, autour des 17 000 km, un point haut, peut-être autour des 21 000. Enfin bon, retenez pas les chiffres. Ça ressemble à rien, ça. Enfin voilà, c'est une trajectoire qui ressemble pas à grand chose. Enfin en tout cas, c'était pas prévu. Hein. Et au niveau système, ça a été un problème. Bien que la bonne nouvelle, c'est que dans les prochains mois, on pourrait avoir l'annonce que ces 2 satellites vont être finalement utilisés. Donc ça, c'est bien. Mais je veux dire, voilà, la forme finale de la constellation en 2020 ne ressemble pas à ce qui a été annoncé en 2002. Mais en même temps, il s'est passé tellement de choses que ce qui compte quand même, c'est qu'on ait des services qui fonctionnent. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là, avec ce lancement? Qu'est-ce qui a lancé? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Raymond Rousseau, vous avez... Ah, moi, j'étais plus là. Ah, mais je vais... Mais c'est pas grave, vous pouvez raconter. Je vais vous raconter. Alors, allez-y, David Combi. C'est un problème qui aurait pu arriver sur un satellite non Galileo, hein, sur n'importe quel objet, enfin, sur n'importe quel véhicule spatial. Alors bon, je vais un peu fouiller dans ma mémoire, mais en gros, bon, la séquence de lancement initiale... C'est bien passé. Alors déjà, on n'est pas sur Ariane là. On est sur Soyouz. On est sur Soyouz. On est sur Soyouz, tout à fait. Russe. On est sur Soyouz et bon, enfin, en gros, pour faire court, entre le moment où le satellite est lancé avant qu'il rejoigne son orbite finale, on le met dans ce qu'on appelle en mode barbecue. Barbecue. D'accord. Un mode barbecue, c'est un mode où on fait tourner le satellite de sorte à équilibrer les contraintes thermiques. Comme sur un grilloir. Voilà. Et il faut que l'ensemble des phases... Il faut être saisi de tous les côtés. Voilà, il faut être saisi de tous les côtés par les rayons solaires. Voilà. Donc il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même, exactement. Pourquoi ? Sinon, il se fait cramer par le soleil d'un côté et de l'autre côté, il a froid. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que bon, pour la mise en mode barbecue, il a fallu allumer un moteur. Même plusieurs moteurs, plus précisément. Et parmi ces moteurs-là, il y en a un qui a été défectueux. Et donc, le mode barbecue, il n'a pas vraiment été barbecue. Ça a été une sorte de mouvement un peu bizarre, qui n'a pas été détecté, parce que le piège dans cette affaire, c'est que le véhicule, lui, c'est-à-dire bon, qui contenait 2 satellites à bord, il était sur la bonne trajectoire. Mais le problème, c'est que son nez faisait un peu n'importe quoi. Il tournait pas autour de lui-même. Oui. Et là, le moteur, il est sur le dernier étage du lanceur Soyouz, c'est l'étage frégate. Oui, tout à fait. Alors on peut le voir, regardez, il est là, l'étage frégate sur la page 3, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est là. C'est ça. C'est sur ça. La page 3, vous voyez ces espèces de, ces frégates, de boules dorées avec deux satellites Galiléo. Et bien, ces boules dorées, c'est l'étage frégate, le dernier étage du lanceur Soyouz. C'est ça. Voilà. Donc là, on était sur... sur un véhicule qui ressemblait à ça, bon, avec les deux satellites qui étaient accrochés au dispenseur. Et pour circulariser l'orbite, vous arrivez en haut de votre ellipse de transfert, et avant de redescendre, vous mettez une grosse impulsion pour circulariser l'orbite. Mais pour que ça marche, il faut que l'impulsion soit dans l'axe. Sauf que là, comme le mode barbecue faisait n'importe quoi, a fait n'importe quoi, et que le nez ne pointait pas, n'était pas dans le sens de la trajectoire, l'impulsion s'est faite dans une mauvaise direction. Et les satellites sont donc partis sur des orbites qui n'étaient absolument pas désirées. Alors justement, à ce propos, on a une petite question sur Twitter que vous pose Mathilde. Quelle est la tolérance admise sur la position des satellites sur leur orbite par rapport à la position théorique ? Quelle est la tolérance, je vous prie ? Bah, écoutez, enfin déjà, je pense qu'il y a déjà le bon sens derrière. Quelle précision vous voulez, vous, à votre niveau ? Si vous voulez une précision métrique, on peut difficilement imaginer que votre satellite, la position de votre satellite sur son orbite va être d'une précision de 30 mètres. Donc il faut que au moins, la précision sur l'orbite soit aussi précise que la précision que vous demandez au sol. Raymond, est-ce que je dis une bêtise ou pas ? Ouais, enfin, je pense que si je comprends la question, moi, la question c'est que effectivement, on a vu le dessin des constellations au départ, là, les trois plans d'orbite. La page 1, oui, en couverture. On voit que les positions relatives des satellites, effectivement, mais la position relative des satellites, sur le même plan, il n'y a pas d'exigence extrêmement sévère sur leur position. Sur leur distance de l'un à l'autre, oui. De là, entre eux. Hein, entre eux. Ouais. Par contre, ce que dit David, c'est tout à fait exact. Hein. David, par contre, il faut connaître la position de manière extrêmement précise. Parce qu'on a besoin de la position des satellites, hein, ce qu'on appelle les éphémérides. Hein, donc, ces paramètres d'orbite de chaque satellite individuellement. Chaque satellite a ses propres paramètres d'orbite et il faut les connaître à eux avec une précision qui est de l'ordre de qui est métrique, quoi, qui est de l'ordre de la mesure que l'on veut faire, hein, de la précision de la mesure qu'on veut faire. C'est pour ça que l'erreur qu'on fait sur cette position, on la retrouve directement sur l'erreur de calcul après de la position au sol. Donc plus c'est précis, plus cette source d'erreur sera faible. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, là, par contre, d'avoir une très grande précision sur la connaissance de l'orbite de chaque satellite individuellement. Et la tolérance. Donc il y a de la tolérance sur leur position, oui, mais peu de tolérance sur la connaissance de cette position. Il y a une certaine tolérance, il ne faut pas qu'ils se rapprochent trop. Bon, il faut pas. Il y a certaines choses. Si vous remarquez bien, les plans, ils se croisent. Vous voyez que les plans se croisent. Mais quand les plans se croisent, évidemment, il ne faut pas que deux satellites arrivent en même temps au croisement. Tant qu'à faire. Parce qu'ils sont à la même altitude. Hein. Bon, donc il faut les décaler. Ils sont tous décalés entre eux. Ils sont décalés de façon à passer chacun à tour de rôle au point d'intersection. Bon, ça, c'est des choses comme ça qu'il faut en tenir compte. Bon, on a intérêt aussi, les satellites, à ce qu'ils soient régulièrement espacés. Mais ce qui se passe parfois, on l'a déjà avec le GPS, hein, c'est que quand vous avez des satellites supplémentaires, hein, bon, l'histoire de tout à l'heure, on a pas des 24, 27, 30... Bon, aujourd'hui, je pense que c'est 24 slots, mais j'en suis pas certain. Mais bon, on va dire, disons qu'il y a 24 positions. Supposons qu'il y ait 24 positions. Ça veut dire que dans chaque plan, hein, il y a de quoi positionner 8 satellites. 3 fois 8, 24. Bon, donc quand on en met 30, il y en a 6 en plus. Donc dans chaque plan, on a 2 satellites en réserve. Alors ces deux satellites en réserve, on les met où ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est une bonne question. Alors on va les mettre peut-être dans des positions intermédiaires, où on va les mettre près d'un satellite qu'on sait qu'il a, il a plus qu'une seule horloge atomique qui fonctionne et qu'elle va pas tarder à rendre l'âme et qu'il va falloir le remplacer. Enfin, il y a toute une stratégie, hein, pour gérer ça. Mais vous voyez que dans ce cas-là, la position de ces satellites supplémentaires, c'est quelque chose qui est éminemment variable. Hein. qui peut être très différente et qui, à partir du moment où un satellite tombe en panne, d'un seul coup, il va falloir le déplacer à toute vitesse pour pouvoir aller le mettre à la place de celui qui est tombé en panne. Et pour déplacer dans l'espace, on monte et on descend. Hein, c'est la méthode des déplacements dans l'espace. Hein, vous le montez, il ralentit, et vous le baissez, au-dessous, il accélère. Donc on joue en montant et en descendant pour ralentir et accélérer pour pouvoir l'amener à la position qu'on veut. Et ça peut prendre un certain temps, évidemment. Et pendant tout le temps où le satellite est en déplacement, lui, il est pas utilisable. Hein, donc on a intérêt à ce que ça dure très peu de temps. Le moins de temps possible, d'accord. Voilà. Ah, il y avait une autre question sur les services. Donc, on va faire un petit tour là quand même sur les services, ils sont importants. Il y a ce qu'on appelle le service ouvert. C'est le service de monsieur tout le monde, hein. C'est le service du smartphone. On n'a rien à payer, on a une certaine précision qui est proposée. Ah oui, je vous en prie, pardon, je vous en prie. Allons-y. Le service Safety of Life. Oui, bien sûr. Hein, je... Oui, tout à fait. Effectivement, je n'ai pas répondu. Raymond, tu serais sûrement plus en mesure que moi de répondre, mais je vais commencer à répondre. Initialement, Galileo avait pour objectif de répondre aux besoins des usagers civils les plus exigeants, et en particulier l'aviation civile. Et l'idée, c'était de faire un système qui ressemble à l'échelle mondiale à ce qu'on met en œuvre en Europe aujourd'hui, qui s'appelle le système EGNOS, ou aux États-Unis, le système OAS. C'est quoi EGNOS et OAS ? C'est des systèmes qui sont des sortes de prothèses, finalement, de GPS, qui améliorent les signaux GPS pour donner un niveau de confiance dans ces signaux de l'ordre de 10 puissance moins 7 par heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne tolère pas plus d'une erreur de position tous les millions d'heures, quoi, en gros. Hein. Et donc, avec le système EGNOS, on va rester sur EGNOS, voilà. Hein, par exemple, avec le système EGNOS, le signal, enfin le calcul que je fais de ma position GPS, oui. Je suis certain qu'il a une forte précision, oui. Qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il y a pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, elle interviendra une fois tous les 10 millions d'heures, c'est ça ? Voilà. Bon, voilà. Ça c'est pas mal. Voilà. C'est une erreur, c'est les erreurs. Qui sont dangereuses. Ah, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs dangereuses. Hein, plus de, c'est, hein, une donc fois tous les 10 minutes. Il faut déterminer ce... misleading, ils appellent ça. Voilà, il faut déterminer ce qu'est une erreur dangereuse. Mais ça, on sait le faire. Ça veut dire que les avions aujourd'hui utilisent GPS plus EGNOS. Plus EGNOS. Voilà, pour se repérer, pour se poser, etc. Absolument. Et un avion, aujourd'hui, se pose avec GPS et EGNOS, donc un guidage vertical jusqu'à 60 mètres du sol, sans aucune visibilité. Donc, il y a deux possibilités. Soit les pilotes, pour faire ça, sont fous, hein, ou soit ils ont vraiment confiance dans un système, et ils ont raison d'avoir confiance. Voilà. J'opterai plutôt pour la deuxième option. Bah oui, c'est des gens sérieux. Voilà. Mais pour il a fallu mettre en place EGNOS. Et c'est quoi EGNOS ? EGNOS, ça veut dire European Geostationary Navigation Overlay Service. C'est un service d'augmentation de GPS et demain de Galileo, d'ailleurs, à partir de 2023 à peu près. Et c'est un programme de la Commission européenne, comme Galileo. Les programmes de navigation par satellite européen, il y en a deux. On parle toujours de Galileo. Mais il y en a un autre qui est tout aussi important pour le ministère des Transports, qui est EGNOS. Parce qu'aujourd'hui, sur bon nombre de terrains, on aurait beaucoup de mal à poser des avions sans EGNOS. Et donc voilà. Et l'idée initialement pour Galileo, c'était que Galileo soit une sorte d'EGNOS mondial. Sauf que pour faire EGNOS, il faut 40 stations réparties. Est-ce que vous voulez bien qu'on explique d'un mot quand même ce qu'est EGNOS ? On a des stations qui sont au sol, voilà, qui récupèrent des signaux GPS, voilà, qui font... Les stations sont évidemment stables et positionnées à des endroits précis. Elles connaissent leur position extraordinairement précisément. Elles sont capables, du coup, de déterminer une sorte de signal de correction du signal GPS. Et ce signal de correction, elle l'envoie à des satellites qui sont des satellites EGNOS, qui ne font que répéter ce signal de correction. Des satellites géostationnaires. Géostationnaires, voilà, c'est ça, qui sont. Là, EGNOS, c'est au-dessus de l'Europe en permanence. Voilà. Donc ce signal de correction, il est envoyé à un signal qui se trouve au-dessus de l'Europe, et ce signal est renvoyé sur nos balises, nos récepteurs, nos smartphones, etc., si on a un récepteur qui accepte EGNOS. En tout cas, dans nos avions. Ce qui fait que j'ai un signal très précis et dont je suis sûr à bord de mon avion grâce à ce signal de correction qui m'est renvoyé par ce satellite géostationnaire. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut 40 stations. Hein. Au sol. Au sol pour l'Europe. Sauf que imaginez le nombre de stations qu'il faudrait pour couvrir le monde entier. Ça a été une discussion sans fin. Et Raymond était aux affaires avant moi sur ce sujet-là. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, mais c'est pas raisonnable. Enfin, c'est absolument pas raisonnable. Il vaut mieux augmenter les performances de Galileo et de GPS de façon régionale avec des systèmes comme EGNOS plutôt qu'imaginer un Galileo qui intègre cette fonctionnalité. D'où le choix, il y a maintenant quelques années. Enfin, moi, je pense que quand je suis arrivé aux affaires il y a 5 ans, le choix était déjà fait. Hein, ça venait juste d'être fait. Ça a été fait, effectivement, juste... ça a été un de mes derniers... Il aurait fallu... un de mes derniers travaux. Il aurait fallu combien de stations Alors, c'est à vous qu'on doit de... Oui, enfin, d'avoir laissé tomber tout ça. C'est l'Europe qui a décidé, mais c'est effectivement... c'est un peu parti de nous, oui, c'est un peu parti de nous. Il aurait fallu combien de stations de sur toute la Terre pour... Non, mais c'est exactement ça, le problème. Le problème, on leur a dit, mais... les gens qui avaient conçu ça, c'est l'Agence spatiale européenne. Bon, l'Agence spatiale européenne avait fait des simulations, elle avait calculé tout ça. Bon, et elle avait dit, on devrait pouvoir avoir la même qualité, hein, les mêmes performances qu'avec un système régional comme EGNOS, à l'échelle mondiale, avec exactement le même nombre de stations. 40. 40, à l'échelle mondiale. C'était magique, on arrivait au même nombre de stations. Bien, bien, bien. Alors, nous, on leur a dit, vous n'êtes pas réaliste, vous n'êtes pas raisonnable. Nous qui, vous étiez qui, vous ? EGNOS, on a besoin de 40 stations réparties sur toute l'Europe et même un peu à l'extérieur de l'Europe pour pouvoir avoir cette précision. Parce que EGNOS ne fait pas que l'intégrité, ne fait pas que la confiance. Il corrige aussi certains types d'erreurs. Il corrige les erreurs dues à la ionosphère, qui est un poste d'erreur qui peut être important à certains moments. Quand le soleil est un peu agité, on a des erreurs à la propagation de la ionosphère importante. EGNOS permet de corriger cette erreur. La propagation du signal dans la ionosphère est un peu perturbée. Voilà. Et alors, il voulait faire... Alors, sur Galileo, on n'aura pas besoin vraiment de faire cette correction de l'erreur ionosphérique, parce que Galileo utilise, comme l'a dit tout à l'heure David, deux signaux, en fait. Il utilise... alors que le GPS aujourd'hui, que vous avez dans votre téléphone, n'utilise qu'un seul signal. Bon. Et donc, Galileo et le futur GPS utiliseront deux signaux. Donc ces deux signaux permettent automatiquement de corriger l'erreur due à la ionosphère. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin de faire d'avoir toutes ces stations réparties autour du monde. Par contre, pour l'intégrité, oui, il y a besoin de beaucoup de... Qu'est-ce qu'on appelle l'intégrité ? L'intégrité, c'est la fiabilité. C'est ce que disait tout à l'heure. C'est la confiance qu'on peut avoir dans... David, c'est la confiance. La position. Vous avez une position qui est calculée. Est-ce que vous pouvez y faire confiance ou non ? Ouais, c'est ça. Quand son tom-tom lui disait de tourner du mauvais côté, c'est que le tom-tom, la position qu'il avait, qu'il donnait, elle n'était pas bonne. Donc il n'y avait aucune confiance à avoir dans cette position, c'est tout. Heureusement que les pilotes d'avion n'utilisent pas TomTom. Enfin, les TomTom de l'époque. Oula, c'est mélancolique, ça. Tous les Américains ne sont pas des fines bouches. Chez eux, le barbecue, il est très à la mode. Alors que chez nous, la gastronomie fait mouche. Mais le mode barbecue, faut du temps pour qu'il se rôde. Ah ouais, ça il faut du temps. Hein. C'est pas encore complètement au point, mais c'est plutôt les Russes à qui on le doit. Michel a forcément des questions. On reviendra ensuite sur la question des services. Hein. Voilà. Avant d'en venir à la question, je me rappelais d'une explication que j'avais donnée, je ne sais plus quelle occasion, sur le principe de ce genre de choses. Vous êtes dans Paris, Et puis vous entendez sonner une certaine heure à Notre-Dame. Et 10 secondes après, vous remarquez qu'il y a l'église d'Alésia et c'est le Sacré-Cœur qui sonne la même heure en même temps. Donc déjà, vous savez que vous êtes à mi-distance entre les deux. Et pas très loin de Notre-Dame, mais il y a encore deux positions parce que peut-être qu'on est au Bar des Sciences et peut-être qu'on est à la gare de Lyon. Donc il faut encore attendre 5 secondes et si on entend l'église d'Auteuil sonner 5 secondes après, c'est qu'on est ici, sinon ça aurait été 10 secondes après. Bon, voilà. C'était une description du principe. Voilà. Alors j'en viens à la question sur les orbites qui sont indiquées. D'une part, quel est le... À moins que ça ait été dit avant que j'arrive, est-ce qu'il y a une raison particulière pour le choix d'une orbite qui est quand même assez haute, mais qui est très en dessous des géostationnaires? Et d'autre part, les trois plans orbitaux, et il y a une indication inclinaison à 56 degrés. Alors, c'est pas compatible parce que les trois ne peuvent pas être à 56 degrés tous, je suppose. Si ? Si, si. L'inclinaison, c'est l'inclinaison du plan par rapport à l'équateur. Donc chaque plan est incliné sur l'équateur, hein, mais après vous décalez les plans entre eux, les autour de l'équateur, ils sont décalés, si vous voulez, d'accord, de 60 degrés. Hein. C'est-à-dire que l'intersection entre le plan de l'équateur et votre orbite s'appelle le nœud. Alors vous avez les nœuds ascendants et les nœuds descendants. D'accord, c'est bon. Et je suis désolé, mais pour l'orbite et le qu'est-ce que c'est aussi et le oui le nombre de plans, on en a parlé, Michel. Ah, raté. Non, mais l'altitude de l'orbite, ça a été aussi l'objet de, à la fois l'altitude et l'inclinaison étaient l'objet de pas mal de travaux. Hein. Alors par contre, s'il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que l'inclinaison de Galiléo est supérieure à GPS. Oui. Et c'est intéressant notamment pour les latitudes élevées, puisque du coup, les satellites Galiléo montent plus haut dans le ciel sur les latitudes élevées. Et donc du coup, en matière de positionnement, c'est mieux. Du coup, tout ce qui est près des pôles, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas pu récupérer les deux satellites qui ont foiré là, parce qu'apparemment ils ont du fuel encore, non ? Ils ont du fuel, mais ça se chiffre en quelques dizaines de kilogrammes. Et la quantité dont ils disposent. Dont ils disposaient, ouais. Oui, enfin dont ils disposent. Donc là, ils en disposent un petit peu moins maintenant. Là, en fait, pour corriger une orbite, la correction d'une orbite coûte énormément en carburant. Et avec le carburant à bord des satellites, on était très très loin du compte pour espérer circulariser l'orbite. En revanche, on a quand même fait une manœuvre. C'est que le problème, c'est que la première orbite des satellites descendait jusqu'à 13 000 km. Et entre le point haut de l'orbite et le point bas, le satellite traversait ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen, une ceinture de Van Allen. Alors c'était marrant parce que là, c'était vachement à la mode pendant cet événement. Et certains juristes de la commission l'appelaient la ceinture de Van Houten. Ah. Bon, mais et donc le problème, c'est que dans cette ceinture de Van Allen, c'est comme si vous passiez dans un four à micro-ondes. Et il a fallu absolument sortir les satellites de cette région de l'espace dangereuse, parce que sinon, en un an ou deux, ils allaient être foutus. Donc on les a sortis, et là maintenant, on arrive à faire des mesures avec ces satellites, mais on ne peut pas faire plus en l'état. On va les revalider pour faire en sorte qu'on puisse les utiliser comme les autres satellites. En fait, l'apogée aussi n'était pas assez haut. L'apogée. Le périgée, vous l'avez remonté, mais l'apogée, bon, pour le remonter, alors là, c'est beaucoup plus. Quoi. C'est ça qui aurait coûté très cher. Oui, toujours une question d'orbite. Vous avez dit tout à l'heure que les récepteurs devaient connaître avec une grande précision la position des satellites grâce aux éphémérides, mais comment est-ce qu'ils connaissent ces éphémérides ? Est-ce que c'est transmis dans le signal ? Oui, absolument. C'est ce qu'il aime. Absolument. À partir du moment où votre récepteur est capable de faire sortir le signal du satellite du bruit, il est capable de... Si vous voulez, le signal, c'est un peu comme un papier cadeau. Vous enlevez le papier cadeau et à l'intérieur, vous avez le message de navigation avec l'ensemble des éphémérides qui sont envoyés par les satellites. Et les satellites reçoivent ces éphémérides par le segment sol de Galiléo. Comme tout système spatial, Galiléo est constitué d'un segment sol. Le segment sol, c'est les antennes. Les antennes, les calculateurs au sol, etc. Vous avez bien évidemment le segment spatial. Et puis le segment utilisateur, c'est vous. Alors, j'ai quand même une question à vous poser. Je vous passe la parole ensuite, mais notamment sur ce qui s'est passé au début. Vous me dites, en 2002, la Commission européenne dit on va faire ça en quelques années, 6 ans, ça va coûter 3-4 milliards d'euros, ça va être facile. Finalement, on est en 2017, on a 22 satellites, ça a coûté 12, si on compte les premières années aussi. Vous comptez EGNOS dans les 12. Ah oui, il y a EGNOS, c'est vrai qu'il y a EGNOS à l'intérieur des 12, très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début ? C'était réaliste, c'était pas réaliste ? Il y a eu beaucoup d'écueils pour que ça prenne autant de temps ? Expliquez-nous là. Raymond Rosso. Bon, enfin, bon, quand j'ai commencé à travailler à ce poste, c'était en 2008. Donc, en 2008, il y avait une révolution qui venait de se produire. Donc, il y avait un commissaire, vous savez, à la Commission européenne, il y a des commissaires. Donc, il y avait un commissaire qui était aussi vice-président de la Commission, c'était Jacques Barrot. Donc, c'est un Français. Et Jacques Barrot a dit ça suffit, maintenant, Galiléo, ça marche. Et la solution qui a été choisi pour le réaliser, qui était un partenariat public-privé. On va dans le mur, on n'y arrive pas. Les industriels ont jeté l'éponge pratiquement. Ils ont dit on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on reprenne complètement le projet et qu'on en fasse un développement. Nous, la Commission européenne, il faut dire que ça devienne un projet financé par la Commission européenne, par les fonds européens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2002 ? Mais en 2002, alors, c'était quoi le projet ? Alors, en 2002, c'était... On va le faire en 6 ans, ça va coûter 3-4 milliards d'euros. En 2002, c'était différent. C'était pour sauver le projet. Alors, pour sauver le projet, là, moi, j'étais à cette époque-là à la Direction générale de l'aviation civile. Donc, moi, je m'occupais effectivement un petit peu de satellites, mais vu de côté aviation. Hein. Et effectivement... il y a eu une menace très forte d'arrêt, d'abandon du projet. Mais attendez, ce que je veux savoir, c'est, à l'origine, on veut faire Galiléo. On dit, ça va être formidable, on va faire ça en 6 ans, ça va coûter 4 milliards d'euros. On s'aperçoit, vous nous dites, finalement, on s'est aperçu à un moment donné qu'on allait dans le mur. Non, c'était pas si simple. On avait dit, on va financer la première phase, on va lancer, avec deux satellites, là, et... C'est deux, quoi. Non, quatre satellites. Les quatre premiers. JOV1, JOV2. Non, je parle de les suivants. Les quatre premiers satellites. Les quatre premiers satellites, on va les faire avec la... Ça va être l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui va s'en occuper. Ça va être un programme standard de l'ESA, traditionnel, auquel, effectivement, l'Europe va mettre de l'argent. Mais ça va être traité comme un programme de l'ESA. Voilà. Alors, un programme de l'ESA, et on fait quatre satellites. Et avec ces quatre satellites, on va pouvoir vérifier... tout ce qu'on a, notamment les performances, la précision, et, bon, les quatre premiers. Là, je alors, moi, ce que je voudrais surtout... Ça, c'était en 2011. Ça coûtait un milliard, ça. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on arrive à quelque chose, c'est que vous nous parlez de ce partenariat public-privé. Dites-moi, alors, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y avait un péché originel. Oui. Qui était ce PPP, ce partenariat public-privé. L'idée de la Commission, de l'Union européenne, etc., des partenaires, des États membres, c'était de se dire, on va effectivement créer Galiléo, mais finalement, l'argent public va être relativement minime, on va mettre un tiers de l'argent, ce sera du public, si je ne me trompe pas, et les deux tiers, ce sera de l'argent qui viendra de l'industrie. Ce sont les industriels qui finalement vont payer ce système Galiléo. C'est bien ça. Oui. Ça a été, Raymond complétera, mais ça a été très, très compliqué à mettre en place. Il y a eu une décision politique, enfin, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une en 1999 et une en 2002. Oui. Mais je retiendrai... Enfin, moi, je voudrais surtout c'est qu'on se concentre sur ce PPP et oui, qu'on dise pourquoi c'est un problème. Oui, mais ça a été un problème politique parce qu'il y a eu cette décision du Conseil européen en 2002 de faire Galiléo. Mais on s'est posé la question en 2002, comment on fait ? Donc il y a eu une discussion entre les États membres et de forts désaccords entre les États membres. Les Britanniques nous ont poussés au vice à faire ce partenariat public-privé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Faut quand même le dire. A posteriori, je peux le dire avec d'autant plus de sérénité qu'effectivement, on est allé dans le mur avec cette idée-là. Alors, quelle était l'idée des Britanniques ? Alors, l'idée des Britanniques, c'était, qui a été d'ailleurs validée par un rapport qui a été commandé par la Commission européenne, un rapport indépendant, dans lequel... J'ai l'impression que vous mettez des guillemets à indépendant, là, dans votre voix. Écoutez, d'accord. Enfin, qui faisait la preuve par A plus B que avec Galiléo, on allait avoir des recettes, et donc comme il allait y avoir des recettes, il était tout à fait envisageable de faire supporter de façon équilibrée entre le public et privé les coûts du programme. Et pour que on lance le programme, il a fallu qu'il y ait un accord politique. L'accord politique s'est fait sur la base de ce rapport, on peut le dire. Certains États membres y croyaient dur, ou du moins faisaient mine d'y croire. Bon, d'autres un peu moins. Mais en tout état de cause, probablement. Hein. Mais en tout état de cause, à ce moment-là, c'est ce que disait Raymond, on avait le choix soit d'arrêter, parce qu'on n'était pas d'accord avec les autres. On ne ferait pas Galiléo. On ne fait pas Galiléo. Oui. Ou soit, on part sur cette option et on voit jusqu'où ça nous mène. Ah oui. Sauf que, bon, ça n'a échappé à personne, on vit sur un continent où on est 28 à se mettre d'accord. Enfin, maintenant, bientôt 27. Bon, mais, et nous, Français, bon, on a notre mot à dire, mais parfois, notre parole n'est pas suffisante. Donc, on a été embarqué dans ce PPP. La réalité nous a rattrapés. Parce que grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les industriels vont mettre des milliards d'euros pour déployer Galiléo, mais ils vont se rembourser ensuite sur ce qu'ils vont gagner avec Galiléo. Sauf qu'avec Galiléo, on ne gagne pas des milliards d'euros. Mais parce que ce qui était prévu... Ça n'existe pas, ça. Ce qui était prévu, c'est des services à valeur ajoutée. Oui. Donc l'idée, c'est que Galiléo va offrir des services et que nous, on sera prêts à payer pour ces services. Exactement. Voilà. Sauf que on s'est aperçu au bout d'un certain temps. C'était une forme d'utopie. Donc on a perdu combien d'années avec ça ? Ce PPP, il a duré combien de temps ? Je pense qu'on a perdu facilement 6-7 ans. 6-7 ans, d'accord. On a arrêté en 2007, juste avant que vous arriviez, Raymond Rosseau. Oui, oui, non, mais moi, quand je suis arrivé, on a déjà perdu quelques milliards d'euros. J'ai vécu le PPP à la DGAC. Ça fait deux. J'ai vécu le PPP à la DGAC parce que le PPP à la DGAC nous concernait aussi, parce que à terme, on allait devoir payer. Vous, l'aviation civile. Et oui, parce que qui sait, quel est le seul moyen de transport dans le monde entier, oui. Aujourd'hui, qui a un système de redevance de navigation aérienne, c'est l'aviation civile. Aujourd'hui, nous, les prestations de navigation aérienne donnent lieu à redevance. Ce sont les compagnies aériennes qui payent. Donc, qui payent. Non, le prestataire, le fournisseur de services, c'est pas forcément l'État. Oui, oui. Ça, en France, c'est la DGAC peut-être, mais dans d'autres pays, ça peut être des sociétés privées. Hein. Et donc, à ce moment-là, évidemment, le service Safety of Life, à ce moment-là, ça devenait une vache à lait qu'il fallait traire. On allait traire l'aviation civile. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu un tollé général. Il y a eu tout l'IATA, l'Association européenne des compagnies aériennes. Tout le monde était debout en disant « on ne veut pas payer. Hein, on va représenter que 2% en gros des récepteurs Galiléo. Et il n'est pas question qu'on paye 80% ou 90%. » J'ai l'impression que vous êtes en train de revivre ce moment-là, Raymond Rosseau. Moi, je l'ai vécu côté aviation civile. On disait « mais vous êtes fous. Hein, nous, on paiera jamais. » Dire quand même que les Britanniques, avec certains alliés, ont poussé pour qu'il y ait un PPP. Ils ont dit « Galiléo ne se fera pas si on ne fait pas le PPP ». Les Français et d'autres savaient pertinemment que ce PPP n'aboutirait à rien. Mais c'était la seule façon d'avancer, finalement. Hein. C'était la seule façon, effectivement, de leur faire accepter qu'on continue. Oui. D'accord. Et pourquoi les Britanniques ne voulaient pas de Galiléo ? Parce qu'eux-mêmes savaient très bien qu'on allait dans le mur, là. Là, c'est compliqué. Raymond Rousseau, c'est vous qui pouvez. Raymond Rousseau, c'est vous qui pouvez parler parce que vous êtes plus en poste, donc. Non, mais moi, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu au contraire. On a signé le traité de paix avec les Anglais après mon arrivée, à partir de 2008. Là, on a commencé à discuter avec les Anglais. Mais entre 2002 et 2008, c'était vraiment à couteau tiré avec les Anglais. C'est clair. La France et la Grande-Bretagne étaient à couteau tiré. Et c'est clair sur ce sujet. Je parlais sur Galiléo. Et je pense que en sous-marin, il y avait les Américains. Il ne faut pas rêver. Les Anglais, il y en a beaucoup qui nous disaient, notamment les militaires anglais, disaient, mais nous, on n'en a rien à faire. De Galiléo, on l'utilisera jamais. Ça ne sert à rien de mettre des signaux cryptés sur Galiléo. Ils servent à rien. Nous, on les utilise pas. On n'en a pas besoin. Nous, on a droit au GPS crypté. Donc, le reste, ça n'existe pas pour nous. Ce n'est vraiment pas un besoin. Donc, ils avaient une position très dure, je pense, contre le système. Bon, alors... Ça voulait dire que les Américains en sous-marin, ça veut dire que les Américains, au fond, eux-mêmes, ne voulaient pas d'un système Galiléo qui serait un peu concurrent du GPS ? Non, mais là, il faut faire un peu de réflexion stratégique. GPS, c'est un système militaire. C'est complètement ministère. Hein. C'est le ministère de la Défense qui le gère. Il faut voir la genèse de GPS. GPS a été décidé en pleine guerre du Vietnam. On était en pleine guerre du Vietnam. Et les Américains avaient un problème à ce moment-là, c'était de guider les chasseurs-bombardiers au-dessus du Vietnam. C'était ça le problème des Américains quand ils ont lancé le programme. C'était ça leur vrai problème. Et le recalage des sous-marins nucléaires aussi. Et les sous-marins nucléaires, voilà. OK. Donc, et on était en pleine guerre froide aussi. Donc... Le GLONASS, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une copie du système GPS. Donc, si les Américains font GPS, nous, on fait GLONASS. Donc ça, c'est facile à comprendre. Les Russes, c'est comme les histoires de la navette américaine et la navette russe. Hein. Dès que l'un faisait quelque chose, l'autre, il sentait obligé de faire la même chose. Bon, OK. Nous, Galiléo, on arrive. Nous, on est des originaux. On dit que c'est un système civil qui va être contrôlé par les civils. Oula ! Alors là, ça fait peur aux militaires, ça, en fait. Alors là, je peux vous dire que les deux autres, là, vous voyez, les deux autres qui avaient des systèmes militaires contrôlés par les militaires, et qui sont des systèmes d'armes, en fait, appelons un chat, sont des systèmes d'armes. Ce sont des systèmes qui guident les munitions, ça guide les sous-marins, ça guide les chasseurs-bombardiers, mais ça guide aussi les munitions, les obus, les trucs comme ça, ça guide plein de choses. Donc c'est vraiment, pour eux, des armes. Et donc, qu'est-ce que c'est ces civils qui veulent faire un système Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils sont fous, c'est pas possible. Les Américains, mettez-vous à leur place. Mais vous êtes fous de faire ça. Mais vous vous rendez compte? Et en plus, les gens vont pouvoir l'utiliser librement. Il suffira de payer, de s'abonner, et on aura droit. On paie la cotisation, et on aura la précision, et on pourra s'en servir pour me tirer dessus. Alors non, ça marche pas du tout, ça, comme ça. Donc les Américains étaient debout sur les freins au départ, sur cette affaire-là, pour des raisons de sécurité nationale. Et rappelons que jusqu'en 2000... Le signal GPS était dégradé volontairement par le DOD américain. Le DOD, c'est le département de la défense, le ministère de la défense. Ouais. Voilà, hein, parce que... Et je crois que la précision de GPS avant 2000 était de l'ordre de 100 mètres. Hein, c'est ça. Et avec Clinton... Alors, quand vous dites la précision du GPS, la précision du GPS dans le système ouvert qu'on pouvait le utiliser. Système ouvert, voilà. 100 mètres. Voilà, et d'un seul coup, en 2000, ils ont décidé de passer à 10 mètres. Bah oui, parce que ils ont compris que derrière, il y avait un vrai business et qu'ils avaient du revenu. Oui, enfin, il y a une autre histoire. Alors, c'est quoi l'autre histoire ? L'autre histoire, c'est qu'il fallait... Le principal argument de Galiléo, c'était bien de... Alors, on leur a dit, mais nous, votre truc 100 mètres, c'est pas assez précis pour les applications civiles. Donc, nous, on fait un système plus précis. Nous, on veut une plus grande précision, hein, et donc c'était pour tuer, au contraire, tuer encore plus Galiléo en disant mais nous on le supprime ce truc-là. Alors je voulais juste qu'on se comprenne bien. Le GPS, il y a un système ouvert, donc à l'époque c'était 100 mètres de précision, et il y avait bien sûr un système crypté militaire qui avait une précision de l'ordre du mètre, hein, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, donc il ne faut pas s'imaginer que la précision était de 100 mètres. Pour les militaires, c'était vraiment évidemment bien plus précis. Bien donc sûr. Alors racontez-nous cette histoire, Raymond Rousseau. Donc on est en quoi, en 2000? La précision. En 2000, la précision est de 100 mètres. En 2000, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande conférence mondiale qui se produit tous les 3 ou 4 ans, qui s'appelle la CMR, la Conférence mondiale des radiocommunications. Alors cette conférence est organisée traditionnellement à Genève. Hein, et donc là, on fait venir tous les responsables de gestion des fréquences des différents États. Hein, donc en France, on a une agence nationale. Hein, donc c'est les fréquences, hein. C'est les fréquences radio. Les fréquences et notamment, radio. Il s'agit d'attribuer les fréquences radio. Pardon. C'est oui. Limité, et donc il faut attribuer des fréquences à chaque type d'application. Et voilà Galileo qui arrive, qui lève le doigt et qui dit nous, la Commission européenne, qui lève le doigt et qui dit on aimerait bien avoir des fréquences. D'abord, ce sont les Américains qui sont arrivés, qui sont venus nous voir, en nous disant voilà, c'était en 1999, on préparait la conférence de l'an 2000. Qui aurait lieu à Istanbul, celle-là, c'est la conférence d'Istanbul. Et donc, ils sont venus nous trouver, ils faisaient le tour d'Europe, en disant, voilà, on veut rajouter un signal pour l'aviation civile. Ce signal Un signal GPS. Un signal supplémentaire pour pouvoir corriger l'erreur ionosphérique. Donc, on va rajouter un signal, ce deuxième signal, hein, qui va s'appeler L5. Donc, ce signal, mais par contre, il faut modifier effectivement le spectre radio et il faut pouvoir autoriser effectivement ce nouveau signal. Or, ce nouveau signal tombait en plein dans une bande aéronautique, réservée exclusivement à l'aéronautique. Donc, ils avaient besoin de votre soutien, c'est ça ? Donc, ils avaient besoin de notre soutien, voilà. Donc, ils sont venus nous voir, ils nous ont passé la main dans le dos, ils étaient gentils, vous allez nous aider, etc. Alors, j'en ai réfléchi, on a dit oui, c'est effectivement, nous, ça nous intéresse d'avoir ce signal supplémentaire, mais on savait aussi qu'il y avait Galileo qui cherchait des fréquences, qu'il n'y avait pas de fréquences. On a dit, mais ce serait peut-être l'occasion d'en profiter et de dire, mais on pourrait peut-être faire passer Galileo, effectivement, des fréquences qu'on pourra utiliser sur Galileo. Donc à ce moment-là, on a une stratégie au niveau national français de soutenir les Américains, hein, mais se mettre derrière eux en poussant fort pour pouvoir élargir la bande, pour avoir la place pour Galileo. Et qui vous soutiennent aussi, c'est ça, en échange ? Mais eux, ils soutenaient leur projet. Eux, ils présentaient leur projet, nous, on le soutenait, mais on disait, mais c'est pas suffisant. Là, comment vous avez prévu que 15 ou 16 MHz ? Nous, on veut le double, nous. On veut le double. Ah, bon. D'accord. Oui, mais dans la même bande. Oui, dans la même bande, comme ça, on pourra utiliser les deux. En fait, donc, Galileo, vous cherchez, vous, des fréquences. Oui. Donc, et quelques jours avant d'arriver à la conférence, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, alors, la semaine avant, carrément. La semaine avant, le président des États-Unis a fait un discours. Alors, je crois que c'était Clinton à l'époque, mais il faudrait vérifier en 2000 qui était le président des États-Unis. Donc, bon, et il a fait un discours en disant, voilà, j'avais demandé à mes services d'étudier la possibilité de supprimer cette dégradation de la précision du signal GPS, ce qu'on appelle la selective availability. Donc, et ils m'ont rendu le rapport. Le rapport montre que c'est faisable. Et donc, je décide, à partir d'aujourd'hui, on supprime cette dégradation. Voilà. Donc, d'un seul coup, le GPS passe de 100 mètres à 10 mètres. Voilà. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème pour vous, votre projet, et le fait d'obtenir des fréquences pour Galileo à la conférence ? Non, c'était pour dire, mais vous voyez, vous n'avez plus besoin de le faire, Galileo. Vous allez dépenser des milliards pour rien. Pourquoi vous allez dépenser des milliards ? On vous met le GPS à votre disposition gratuitement. Avec 10 mètres, voilà. Vous l'avez dans votre smartphone, le GPS. Ouais. Personne ne s'est posé la question. C'est gratuit, ce truc-là ? Oui, c'est gratuit. Mais c'est gratuit, mais c'est militaire. Et donc, d'abord, les militaires, ils peuvent fermer le robinet, c'est évident. Hein, ça, ils sont pas obligés de vous donner le signal tout le temps. Hein. Bon, s'ils ont des craintes, ils peuvent le brouiller le signal. C'est ce qu'ils ont fait les Américains d'ailleurs. C'est que dès qu'il y a une crise, quand il y a eu le Kosovo, quand il y a eu la guerre au Kosovo, ils ont mis des brouilleurs extrêmement puissants. Ce qui fait que les signaux GPS au-dessus de la Méditerranée, les avions ne pouvaient plus utiliser le GPS parce que les signaux étaient complètement brouillés. Alors que la bataille se passait au Kosovo. Hein. Donc ça veut dire quand même qu'en sous-main, il y a énormément de luttes, d'influences, des choses trappes, des choses qui ressemblent à des trahisons, des jeux d'influence. Voilà, c'est ce qui explique aussi que tout ça ait pris pas mal de temps. Reggae. Le PPP. C'est le péché, c'est pas papa qui m'a dit ça. Le PPP, public privé, c'est Paul, pourquoi toi tu l'aimes pas. Le PPP, ça marche pas, Raymond Rosso l'en voulait pas. Le PPP, public privé, il a pourri notre Galilée. Ah, il Il a fait peur, il a fait prendre du retard en tout cas, ouais. Est-ce qu'un satellite GPS peut se positionner par GPS ? Ou plus généralement, est-ce qu'on peut s'en servir dans l'espace ? Est-ce qu'on peut imaginer même qu'un satellite géostationnaire, a priori, puisque les signaux puissent passer, est-ce qu'on pourrait s'en servir à ces altitudes-là ? Tout à fait. Oui. Mais est-ce qu'on le fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on pourrait, est-ce que c'est des précisions qui sont utiles par rapport aux autres radars qu'on peut avoir ? Alors, le positionnement dans l'espace, il est d'autant moins précis qu'on s'éloigne de la Terre. Parce que ce qui fait que vous avez un positionnement de bonne qualité, c'est la bonne répartition des satellites au-dessus de vous. Si vous êtes 36 000 km de la Terre, vous avez encore la possibilité d'avoir des satellites GPS suffisamment bien répartis dans l'espace pour pouvoir avoir une bonne localisation. Par contre, si vous êtes sur des orbites de transfert vers la Lune ou vers Mars, là, ça devient de moins en moins bon. Logiquement. On l'utilise couramment à bord des satellites. Hein. Aujourd'hui, quand même, tous les satellites en orbite basse, maintenant, hein, sont équipés de récepteurs GPS. Hein. Alors, bientôt Galiléo, on espère bien. Oui, bonsoir. J'ai une question, en fait, pour rebondir sur le propos que vous teniez juste avant l'intermède musical. Au niveau de la sécurité du signal par rapport aux militaires et au fait que Galiléo n'est donc pas militaire, ces dernières années, on a eu quelques soucis en Asie, essentiellement avec le GPS et du spoofing. Savoir quelles sont les contre-mesures ou les remèdes qu'ont trouvé le système européen pour pas. Peut-être un mot un peu dur, mais le piratage de signaux GPS. L'orage. Voilà, l'orage, en français, voilà. Voilà, merci. Alors, je pense que c'est une excellente question qui permet en plus d'embrayer un peu la discussion vers les services. Galiléo, système civil sous contrôle civil. Est-ce que pour autant les militaires européens et en particulier français se fichent de Galiléo ? Bien sûr, non. Non. Ils sont très intéressés par Galiléo. Bien sûr, bien sûr. Donc, y a un service Galiléo qui s'appelle le PRS, Public Regulated Service. Il existe déjà aujourd'hui ou... Oui, il est en cours. Il fait partie des services initiaux là, qui se mettent en place. PRS, oui. PRS. Et sa grande différence par rapport au service ouvert, c'est que d'abord, pour y accéder, il faut être autorisé par une autorité nationale. En France, l'autorité nationale, c'est le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale. Donc, si c'est effectivement juste pour faire chic, le PRS, c'est pas la peine d'y penser. En revanche, si c'est pour des applications militaires ou des applications régaliennes pour la police ou d'autres applications régaliennes, par exemple comme la synchronisation des systèmes de surveillance du trafic aérien, c'est un système, c'est un service important. Et là, on pense à l'utilisation du PRS pour synchroniser justement ces radars. Donc là, il faut que ce soit robuste. Le PRS, il doit être robuste. La différence, c'est qu'il est moins brouillable que le service ouvert. Il est moins sensible que le service ouvert au brouillage. Alors par contre, pour ce qui est du leurrage... C'est quoi exactement le leurrage ? Alors, le brouillage, je comprends, j'imagine. Alors, le brouillage. Ce que c'est, hein, je mets quelque chose qui crache... Qui crache n'importe quoi. Qui crache n'importe quoi aux fréquences où le signal est censé arriver. Et donc, j'entends plus mon signal GPS, mon signal Galiléo, là, en exactement. L'occurrence. Ouais. Alors, le leurrage, c'est beaucoup plus pernicieux. Vous émettez, quelqu'un de mal intentionné émet un signal de type, par exemple, Galiléo, avec les mêmes caractéristiques, sauf que ce n'est pas un signal Galiléo. Et donc, le récepteur qui reçoit un signal leurre, ce qu'on appelle donc un récepteur spoofé, entre guillemets, va avoir une position complètement fausse. Et ça, c'est une vraie question, un vrai enjeu pour l'aviation et demain pour le véhicule autonome, par exemple. Donc, et pour les missiles. Et pour les missiles aussi, tout à fait. Mais tout ça pour dire que dans les exigences de Galiléo, La sécurité, c'est un enjeu important. La robustesse du PRS, c'est un enjeu important. Même si les militaires ne sont pas autour de la table pour discuter des spécifications de Galileo, bien évidemment, nous, au niveau de la coordination interministérielle française, on sait écouter et comprendre ce qu'il faut à minima mettre en place pour que Galileo puisse être à minima utilisable par des militaires. Et donc bon, un signal plus robuste, donc moins sensible au brouillage, sensible au leurrage. Ce qu'il y a, c'est que le signal est crypté. Alors, il est crypté, il y a des... Dans le service PRS. Le PRS est un signal crypté, alors que le signal ouvert, lui, n'est pas crypté. Alors, le signal étant crypté, il faut avoir la clé. Et la clé, ce sont des nouveaux systèmes de cryptage maintenant, où la clé est individuelle pour chaque récepteur. Chaque récepteur a une clé différente. Voilà. Et ça, ces clés, et il y a toute une gestion des clés qu'il faut mettre en place. Et c'est très complexe à gérer, les clés. Les militaires, ils savent faire. Et avec le GPS, maintenant, le signal code M qu'il y a sur GPS, c'est utilise déjà ce système des clés individuelles. Donc, il faut gérer les clés individuellement. L'intérêt de ces clés, de cryptage, c'est que ça nous garantit que les signaux qu'on reçoit sont authentiques. Ce sont les bons, ce ne sont pas des leurs. Hein. Donc, la solution du PRS, c'est la solution, disons, chère pour se protéger contre le leurrage. Voilà. Alors l'autre solution, il y en a une qui a été inventée pour le signal ouvert, qui est l'authentification. Alors tu peux peut-être en dire un mot. Oui. Alors en fait, le PRS, lui, donc est un signal crypté. Le service ouvert authentifié, c'est pas le signal en lui-même, c'est pas l'enveloppe qui est cryptée, mais c'est le message qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que le message, lui, il peut être, le signal peut être leurré. Par contre, le message est garanti. On voit qu'il y a quand même une graduation vers le haut en partant de l'authentification service ouvert, qui est un premier niveau d'authentification, vers le PRS, qui là, c'est le niveau vraiment costaud. L'authentification est beaucoup plus costaud. Version militaire. Il y a quelqu'un qui avait demandé le... Non, finalement, c'est bon ? Ah, bah, la question a été posée. N'hésitez pas, hein, je viens jusqu'à vous. On a commencé à parler des applications militaires. Vous pouvez être un peu plus précis sur qui utilise le signal Galileo ? Ah, aujourd'hui, les militaires en particulier, vous voulez dire, ou en général les militaires ? Les militaires aujourd'hui, je crois que aujourd'hui les militaires sont en phase d'apprentissage de Galileo. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de constater que les militaires commencent à intégrer Galileo dans leur plan d'équipement. Bon, ça, voilà. Après, il y a des choses, que je peux dire, des choses que je ne peux pas dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les militaires, bien évidemment... Vous ne pouvez pas les dire parce que vous les savez, mais qu'il ne faut pas les dire, on est d'accord. Non, mais voilà. Je pense que ça n'aura échappé à personne, ces affaires-là. Sont des sujets d'intérêt national. Oui. Mais bien évidemment, c'est un secret pour personne que les militaires s'intéressent à Galileo. Et donc, si dans 5 ans, dans 10 ans, on constate que les avions militaires utiliseront Galileo, ce ne sera pas une surprise. Oui, il faut faire attention à ça. C'est que, en fait, on parle officiellement, on n'en parle jamais des militaires. Puisque l'Union européenne, il n'y a pas de défense commune européenne, vous le savez bien. Bon, donc on ne parle jamais d'affaires militaires au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne. C'est un sujet qui n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Par contre, on parle de systèmes gouvernementaux. Alors, systèmes gouvernementaux, ça inclut la police, ça inclut la gendarmerie, ça inclut les pompiers, ça inclut la douane, ça inclut tout un ensemble de services régaliens qui peuvent effectivement utiliser le PRS. Le PRS n'est pas restreint, sauf qu'il va falloir qu'il soit quand même capable de gérer les clés. Et gérer les clés, c'est un gros travail. Ça, il va falloir qu'il mette en place la gestion des clés. Mais autrement, s'ils savent le faire... Alors, ce qui se passe en France, c'est que le fait est que la plupart de ces services-là font appel à la Direction générale de l'armement pour leur acheter le matériel. Hein, les gendarmes, que ce soit la police. On peut contrôler par ce moyen-là. Les hélicoptères, ils ne les achètent pas eux-mêmes, ils les font acheter par la direction générale d'armement. Donc finalement, disons que les technologies Galileo seront de facto. Je pense que ce qui est vraiment important sur ce. Je vois deux points très importants. C'est que d'abord, tout le monde en Europe accepte le fait que les militaires utilisent Galileo. Là, il n'y a pas de question là-dessus. Même si on n'en parle pas. Même si on en parle. Oui, mais c'est pas un problème. Là où ça devient un enjeu, c'est si. C'est le jour. Enfin, là où ça deviendra un enjeu, c'est le jour où on invitera les militaires autour de la table, de façon officielle, en leur disant, messieurs les militaires, expliquez-nous ce que vous voulez, ce que vous attendez de Galileo. Ouais. Quel est votre besoin? Et là, on peut très bien les écouter. Et s'ils ont un pouvoir en termes de gouvernance de Galileo, eh ben on va passer d'un satellite de 700 kg à un satellite de 3 tonnes. Ah. Bon. Mais peut-être que demain, ce sera le cas. Mais ce ne sera pas parce que des militaires l'auront imposé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'ils auront ajouté? 2,3 tonnes? Ils ajouteront 2,3 tonnes de quoi? Ah, mais on peut imaginer plein de choses. Par exemple, rêvons un peu. Ah bah écoutez... Par exemple, un exemple. Ils peuvent durcir les satellites actuellement. Les satellites Galileo, ils pèsent 750 kilos, c'est ça? 700, oui. Bon, alors que les GPS, on est plutôt dans les 2-3 tonnes, c'est ça? Comment ça se fait? Bon, alors durcir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les protéger? Ça veut dire, oui, les blinder, mettre du plomb, des choses comme ça. Mais il faut blinder les satellites, blinder pour protéger les explosions nucléaires à haute altitude. Ça, les satellites civils, on n'a pas besoin de les protéger. Hein, tant pis. Mais les satellites militaires, oui, ça, il faut qu'ils continuent à fonctionner. S'il y a un État un peu bizarre, là, qui se met à lancer des missiles et des bombes atomiques et qui fasse exploser une bombe atomique dans l'espace. C'est très dangereux, une bombe atomique dans l'espace. C'est que tous les satellites civils vont pratiquement recevoir une onde très violente qui va complètement les détruire les récepteurs à bord des satellites. Oui. Donc aujourd'hui, vous voyez de qui je veux parler, de l'État qui s'amuse à lancer des... On voit qui. Bon, le Galileo, c'est clair, il passe à la casserole. Hein. Les Galileo vont passer à la casserole. Alors que les GPS ne passeront pas à la casserole, ils sont protégés contre ça. Ah, puis il y a un deuxième point aussi qui est lié à la stratégie spatiale de l'Union européenne. On s'oriente de plus en plus vers des systèmes duo, c'est-à-dire dont l'utilisation est civile et militaire. Et je ne serais pas étonné qu'au-delà de 2020, la couleur un peu défense de Galileo apparaisse encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, bonsoir. On a deux questions de la twittosphère qui nous suit activement. Une première question de K20. Existe-t-il une appli Android pour bénéficier, suivre les satellites Galileo quand on a un appareil non équipé? Pas de bras, pas de chocolat. Et deuxième question, est-ce qu'avec Galileo, l'énergie demandée par le device pour se positionner est plus faible qu'avec le GPS? Alors sur la première question, rappelez la première question. L'appli, oui. Alors, si vous avez pour savoir où sont les satellites. Si vous, écoutez, moi, enfin, j'ai un iPhone 5. Je suis désolé, j'ai presque honte. Mais je ne reçois pas Galileo. Hein. Mais je vais me soigner bientôt. Et j'ai une appli avec laquelle je suis les satellites Galileo. Ah, il s'appelle comment? C'est un serveur. Peut-être qu'on peut répondre. C'est un serveur qui envoie les informations. Peut-être qu'on peut répondre à la deuxième question en attendant Raymond Rosso. La deuxième question, c'était est-ce que obtenir, un signal Galileo, recevoir le signal Galileo, demande moins de puissance que recevoir un signal GPS? Ça, c'est une question compliquée parce que. Aujourd'hui, en fait, les technologies ont beaucoup évolué. Au départ, si vous voulez, il fallait, dans le récepteur GPS des débuts, il y avait ce qu'on appelle des canaux. Et c'était un récepteur qui faisait un canal. Le tout premier, il faisait un canal. Et donc, il recevait un satellite, il faisait une mesure. Puis hop, il cherchait un deuxième satellite, il faisait une mesure. Puis hop, il cherchait un troisième satellite, il avait un seul canal. Bon, alors, ça ne consomme pas beaucoup, un seul canal, mais bon, ça prend du temps. Et c'est pas pour faire du temps réel, c'est pas terrible. Bon, ensuite on est passé à des récepteurs 4 canaux, Puis ensuite, on est passé à des récepteurs, 12 canaux, enfin, all in view, ils appellent ça, tous les satellites en vue, soi-disant. Bon. Et puis ensuite, il y a une technologie qui est arrivée, qui a débarqué un peu sans crier gare, c'est ce qu'on appelle les software radio. Alors, les radios logiciels, en français. Les radios logiciels, c'est-à-dire, on a dit, mais attendez, pourquoi on fait des canaux ? Ça va pas, la tête. C'est très simple. On va faire tout ça par traitement logiciel. C'est-à-dire qu'on a la partie, la tête de votre récepteur, elle est commune, là, elle, puisque tous les satellites émettent à la même fréquence. Donc, et après, derrière, on échantillonne, on numérise, et on fait du traitement. Et par traitement, après, on peut avoir autant de satellites qu'on veut. C'est un peu plus consommateur, alors. Qu'il y en ait 10, 20, 30, 40, ça consomme pareil. Ça va consommer pareil. C'est parce qu'on a inventé la radio logicielle. Mais ça, c'est quelque chose de récent, la radio logicielle. C'est pas quelque chose... Alors, c'est intégré dans les smartphones d'aujourd'hui, ça là? Je pense que oui. Ouais. Enfin, ça, il faudra le vérifier, hein, mais je pense que oui. Mais de toute façon, recevoir un signal Galileo ou GPS, il n'y a pas de différence d'énergie demandée. Hein. C'est toujours... En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire du signal. Les signaux Galileo, de par leur modulation, ont ce qu'on appelle une bande passante plus large, c'est-à-dire qu'ils contiennent plus d'énergie quelque part. Donc pour les traiter, si on veut vraiment traiter tout l'ensemble de cette bande passante, en théorie, ça demande plus d'énergie qu'un signal GPS. Sauf que vous pouvez très bien, au niveau de votre smartphone, décider d'utiliser moins de bande passante et donc du coup d'avoir une géolocalisation pas aussi bonne que celle que vous auriez si vous utilisiez tout. Donc la réponse qu'on peut donner à Cavin, c'est ça dépend. D'accord. Non mais c'est tout. Vous pouvez continuer. Hein. Je vous ai coupé, pardon. Non mais vous pouvez avec une Ferrari, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez ce que je veux dire? La nouvelle tacatacatacatique du gendarme pour pouvoir utiliser Galileo en liberté. La nouvelle tacatacatacatique du gendarme. C'est idiot, mais c'est d'apprendre à utiliser ses clés. Tant qu'à faire, ouais. Oui, alors donc l'application. Alors en fait, celle que j'avais. Il est tellement vieux, j'ai pas de place dedans, donc je l'ai enlevé. Ah, mais par contre, d'accord. J'ai trouvé une appli qui s'appelle GPS Plan, ou encore. Alors ça c'est GPS, moi je veux du Galileo, moi. Oui, mais vous avez aussi les satellites Galileo dessus. Vous avez les satellites Galileo, mais sur le Galaxy S8 que j'ai vu récemment, vous avez des trackers Galileo et ça vous donne en plus la différence de précision entre les positions utilisées avec Galileo et celles calculées sans Galileo. Et là, on voit vraiment la différence. Donc, c'est Android. D'autres interventions, il nous reste un quart d'heure. Oui, il y a quelques mois, il y avait eu des problèmes avec les horloges à bord de Galileo. Où c'est que ça en est ? Est-ce que ça a été résolu pour ceux qui sont au sol et qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui sont en orbite ? Alors, effectivement, il y a eu des petits soucis il y a un an. Hein, à peu près jour pour jour, que cette affaire a été médiatisée. Ça faisait un petit peu plus longtemps que nous, on suivait l'affaire. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait un nombre anormal de pannes d'horloges en orbite. Un satellite contient 4 horloges. Et des pannes irréversibles. Hein. Et des pannes irréversibles. C'est ça. Donc un satellite contient... emporte 4 horloges. Sur ces 4 horloges, il y a 2 horloges d'une technologie rubidium et 2 horloges maser hydrogène. Donc il y a une quadruple redondance. Parce qu'on a, oui, il faut bien expliquer qu'on a besoin que d'une horloge pour fonctionner. Et ça, c'est très important de le rappeler. Sûr. Il faut une horloge. D'ailleurs, pour calculer une position, avec plusieurs horloges d'un satellite, ça ne marcherait pas. Il nous faut qu'une horloge. Seul temps. Bien. Et on s'est rendu compte qu'on avait un taux d'augmentation de panne inquiétant. Donc là, on s'est posé des questions parce qu'on s'est dit, bon, ben, cette courbe, elle est quand même pas bonne. Et si ça continue, on risque d'avoir des problèmes. Donc, une commission de l'Agence spatiale européenne s'est attelée au dossier et a compris d'où venaient les problèmes. Et l'ensemble des mesures à mettre en place ont été bien mises en place. Et depuis, la courbe de panne est stabilisée. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans la normale. Donc on peut considérer aujourd'hui... Donc, qu'il y a autant de panne que s'il n'y avait pas de gros problèmes. Aujourd'hui, c'est on est... C'est le nombre de panne auquel on s'attendait. Voilà, la crise est passée. La crise est passée. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour réduire ce nombre de pannes? Alors qu'est-ce qu'on a ça fait? Ça devient plus inquiétant. D'abord, il a fallu comprendre quel était le problème. Il y a eu deux problèmes, parce que comme il y a deux technologies à bord des satellites et que les problèmes arrivaient sur les deux types d'horloges, on a découvert deux problèmes. Le premier problème était sur le mode d'exploitation des masères hydrogènes. Les masères hydrogènes sont plus sensibles que les rubidium. Et on imaginait qu'on les préserverait si on les éteignait. Et si on les utilisait uniquement de façon optimum. Or, on s'est rendu compte qu'en les éteignant, ces horloges-là supportent très mal le froid spatial. Donc il a été décidé de les laisser allumer. Ça, c'est la première chose. Comment on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes avec ces horloges? C'est qu'au moment de les allumer, ça ne marchait plus. Pour certaines d'entre elles. Hein. Ceci dit, l'identification du problème nous a permis aussi de faire des améliorations sur les futures horloges Maser qui vont être envoyées. Et puis... aussi un problème sur les horloges rubidium. Voilà. Alors... Et ça, c'est encore un autre problème. Parce que le premier problème sur les masers, je dirais qu'on a été moyennement surpris. Les masers sont beaucoup plus pointus. Donc c'est un problème technologique. C'était une innovation d'en envoyer en tel nombre dans l'espace, ça ne se faisait pas. C'était très innovant. Ça le reste encore aujourd'hui, du reste. Les rubidium, elles, n'ont pas eu le même problème. C'était un problème de qualité. C'est-à-dire que... il y a eu un problème de composant défectueux à bord d'une horloge. Donc ce composant a été identifié. Et en fait, ce composant, il induisait le problème suivant. C'est que pour opérer les horloges, les ingénieurs faisaient pas mal de marche-arrêt. Sur un rythme étalé tout au long des semaines, mais à la longue, ça fatiguait les horloges. Et cet élément défectueux, au bout d'un moment, il lâchait. Et donc, cet élément a été identifié, donc il a été changé. Et du coup, pour les horloges qui sont en orbite, on évite de faire du switch-on, switch-off. Donc on a réussi finalement donc, à... Le problème est derrière nous. Le problème est derrière nous, et on a compris comment faire. Merci. Quelles sont les tendances au niveau de la technologie des satellites pour la nouvelle génération de Galileo en termes d'horloges, de modèles de mesure, de signaux, etc., etc. Les choix ne sont pas encore faits, donc on parle bien de tendances. Alors, il y a déjà une première question qui se pose, c'est la puissance. On est un peu à l'échelle mondiale, à une sorte de course à l'échalote. Et le problème, c'est que si on ne fait pas attention, les signaux Galileo, s'ils ne sont pas assez puissants, ils risquent de se faire manger par les satellites de GPS et de GLONASS et de BeiDou. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je pense, il y a une grosse discussion en ce moment sur ce qu'on appelle le lien inter-satellite, ce qu'on appelle l'ISL, Inter-Satellite Link. Qui est une capacité techno qui permet aux satellites de se positionner les uns vis-à-vis des autres. Et donc, du coup, d'être moins dépendant du segment sol. Alors, les militaires américains sont intéressés par cette option-là, parce que s'il y a un problème au sol, la constellation continue d'être opérationnelle. Nous, en Europe, on se pose encore la question de l'efficacité de la mise en œuvre de l'ISL. Je ne sais pas du tout comment les discussions vont tourner d'ici 2019-2020, année auquel on va décider. Mais là, c'est un peu quand même le gros de la discussion du moment. En fait, l'ISL existe aujourd'hui sur les satellites Iridium. Alors les satellites Iridium, c'est une constellation de 66 satellites, et les satellites Iridium sont tous reliés entre eux. Et quand vous téléphonez en utilisant un téléphone Iridium, en fait, vous téléphonez, vous émettez vers un des satellites Iridium, qui lui va renvoyer vers un autre satellite, qui va envoyer un autre satellite, mais ça va très vite tout ça. Hein, et finalement, il y en a un à la fin qui sera lui vu depuis le sol par une station qui pourra acheminer votre appel téléphonique vers votre destinataire. Donc ça, c'est le principe des satellites Iridium. Alors, pour les télécommunications de ce type-là, on voit l'intérêt des liaisons intersatellites. Bon, pour les satellites comme Galileo, un des intérêts serait effectivement de pouvoir contrôler en permanence les satellites. Hein, parce qu'aujourd'hui, les satellites, on les surveille pas en permanence. Il y a un certain nombre de stations qui ont été mises en place autour du globe. Bon, ce sont des stations, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, je ne sais pas combien, il y en a moins d'une douzaine, 18. Hein, bon. Alors, mais des stations qui permettent de... Non, les stations de mesure télécommande, il n'y en a pas 18. Non, toi, tu parlais de monitoring, toi. Monitoring, oui. Mais les stations de télémesure télécommande, celles qui permettent de voir ce que fait le satellite, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup 6. Moins. Bon, et donc et aujourd'hui, si on avait ce système de liaison intersatellite, on pourrait effectivement, une seule station, recevoir en permanence tous ces signaux de télémesure de tous les satellites, en permanence, en temps réel, et les avoir à travers ces liaisons, et donc savoir en permanence où sont les satellites, et savoir dans quel état ils sont. Ça, c'est quelque chose... Bien sûr, ça intéresse fortement pour le GPS, ils l'ont déjà depuis longtemps, ça. GPS, la deuxième génération, déjà a été équipé de liaisons intersatellites pour les besoins de télémesure télécommande. Et ça, ce qui permet effectivement aux militaires américains que s'ils ont un problème au sol, s'ils ont une station qui est détruite, ils continuent quand même à surveiller leurs satellites. Alors aujourd'hui, sur Galileo, c'est un système civil. Donc pour le moment, est-ce qu'il y en a besoin? Ça, c'est une autre question. Alors avant qu'on se quitte, j'ai quand même une petite question un peu structurelle qui m'étonne toujours. C'est finalement ce système spatial, il a été voulu et conçu par la Commission européenne qui n'avait strictement aucune expérience dans le domaine spatial. Et on avait une agence spatiale qui prouve tous les jours qu'elle est capable de créer des systèmes spatiaux, de les envoyer dans l'espace, de les faire fonctionner. Alors comment ça se fait que c'est la Commission européenne qui s'en est chargée et pas l'agence, finalement ? Oh, c'est une longue histoire. Alors on va faire court parce que c'est la fin. Non mais c'est quoi l'idée ? Comment ça s'explique ? Non, c'est clair que aujourd'hui l'Agence spatiale européenne, c'est une organisation intergouvernementale. C'est-à-dire que les États sont libres d'adhérer à cette organisation. La France est un des pays membres depuis très longtemps. Bon, mais tous les pays qui sont dans l'Union européenne ne sont pas automatiquement membres de l'Agence spatiale européenne. Ce n'est pas une agence au sens européen du terme. Ce n'est pas une agence de l'Union européenne. C'est une agence... Donc c'est vraiment... C'est une agence intergouvernementale. Voilà, c'est intergouvernemental. Bon, alors c'est évident que... par contre, elle a développé une grande compétence. Elle a développé des programmes en coopération en Europe depuis très longtemps maintenant. Bon, je ne vais pas vous les rappeler tous. Et c'est évident que dans le domaine Galileo et EGNOS, parce que EGNOS, c'est pareil, c'est l'agence l'ESA qui a développé aussi EGNOS. Et pour Galileo, c'est l'ESA qui a fait toutes les études initiales. C'est l'ESA qui a mis au point, je dirais, l'architecture de Galileo. Donc c'est l'ESA l'architecte, en quelque c'est sorte. C'est l'ESA, d'accord. Voilà, c'est l'architecte. Donc c'est un architecte, je dirais, presque incontournable. Donc ils ont été obligés de travailler ensemble, les deux, la Commission européenne et l'ESA. Au début, c'était un mariage un peu contraint et forcé. Hein. Pas qu'au début. Pas qu'au début. Bon, et effectivement, il y a eu un accord qui a été signé, un accord de délégation qui disait clairement qu'est-ce que l'ESA devait faire pour pouvoir, en quelque sorte, jouer le rôle de maître d'ouvrage, parce que la Commission ne fait pas le maître d'ouvrage. En fait, elle délègue à l'ESA ce rôle de maître d'ouvrage. Mais dans le cadre d'un accord extrêmement contraint. Par exemple, les règles d'attribution des marchés. Vous savez qu'à l'ESA, ils ont la sacro-sainte règle du retour géographique. Il faut que les États puissent récupérer au moins 90% de leur mise de fonds. Bon, ça n'existe pas à l'Union européenne. Ça n'existe pas. Donc sur Galileo, il n'y a pas ça. Donc tous les appels d'offres que l'ESA de temps en temps sort, elle sort des appels d'offres pour Galileo. Tous ces appels d'offres respectent la réglementation européenne, ouais, mais plus la réglementation de l'ESA. C'est pour ça qu'ils travaillent dans un contexte qui est complètement différent. Bon, et ce n'est pas simple tous les jours. Non, mais c'est, en fait, l'ESA, à partir du moment où on a un sujet ESA, on est dans un partage de gâteaux. Voyez, et la question qui se pose tout de suite, c'est qui récupère quoi? Et ça donne lieu à des discussions sans fin, surtout sur, là en l'occurrence, Galileo, qui est le plus gros programme spatial de l'histoire de l'Europe. Hein. C'est plus cher que Ariane, hein, Galileo. Alors qu'une compétition de l'Union européenne, bah, c'est que le meilleur gagne. Hein. Alors, bon. Donc il fallait des dérogations à cette règle. D'accord, j'ai bien compris. Alors avant qu'on se quitte, j'ai quelques petits messages pour vous tous. D'abord, on se retrouve le 16 janvier ici même, 19h30. On va parler de Microscope. Vous savez, Microscope, c'est une mission scientifique absolument extraordinaire, complètement créée par le CNES, et dont l'objectif était de tester la relativité générale d'Einstein. Et Microscope a fonctionné, je crois, pendant un an dans l'espace et l'a testé avec une précision absolument inégalée. Et on a les résultats préliminaires qui sont arrivés. La relativité générale, on n'a pas encore trouvé de défaut, mais ce ne sont que des résultats préliminaires. Et l'investigation se poursuit à partir des données microscopes pour voir si on ne trouverait pas quand même une faille dans la relativité générale. Ce serait quand même assez intéressant d'en trouver une, parce qu'ensuite, il faudrait l'expliquer. Et puis, le mois d'après, le 13 février, on a un bar des sciences qui va s'intituler Cosmoéthique pour une philosophie de l'espace avec Jacques Arnoux. Donc voilà, on va s'intéresser, on va voir les choses vraiment d'un tout autre point de vue. Et alors là, pour cet autre bar des sciences, enfin cet autre mardi de l'espace, je vais vous demander d'être très attentif, parce qu'il est possible que ça n'ait pas lieu le 13 février, ou alors que ça ait lieu le 13 février, mais pas ici. Bref, je vous demande de rester à l'écoute de nos programmes. Donc voilà, 13 février, c'est soit le 13 février, mais c'est pas ici, soit c'est... ce sera peut-être, je peux le dire ? Peut-être au CNES, c'est-à-dire à 100 mètres d'ici. Hein, voilà, peut-être au CNES, à 100 mètres d'ici. Ah ben ça leur plaît, vous voyez. Hein, Jean-Gabriel, excuse-moi, regarde, t'as des applaudissements, ça leur plaît. Hein. Voilà, alors ce sera éventuellement possible. Voilà. Voilà, c'est donc cette histoire de Galileo, c'est une longue histoire pleine de rebondissements, pleine d'incertitudes. Mais à Noël, si vous avez demandé un smartphone de dernière génération, vous aurez plus de précision, vous aurez plus de disponibilité de ce positionnement GPS et vous aurez plus de stabilité dans la position. Voilà, Galileo, c'est quand même un instrument de souveraineté essentiel, parce qu'avec ça, eh bien, on a du positionnement garanti et c'est l'Europe qui décide si elle en a ou si elle n'en a pas. Merci infiniment à vous tous et puis à dans un mois. Très très bon Noël, très bonne fête et puis à très bientôt. Bonne soirée. Est-ce que vous voulez bien remercier, s'il vous plaît, Raymond Rousseau et David Combive. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.